Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et avec moi cette semaine, retour du trio de l'enfer, de la mort qui tue, avec Daniel Carosella brûlé, quatrième degré. Écoute, il est en poussière, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Non, mais c'est moins pire. Là, on est rendu au stade pelage. Je mue en ce moment. Risque et péril d'aller dans le sud, ça t'apprendra. Oui. Ouais, tu sais, fiez-vous pas à notre soleil, hein. C'est pas le même soleil dans le sud. Quand t'es au mois de mai, ici, tu peux sortir plusieurs heures et pas vraiment brûler. Dans le sud, tu sors 15 minutes, tu brûles pas qu'à peu près. J'avais un couple d'amis qui étaient allés dans le sud avec leur petit bonhomme, tu sais, 4-5 ans. Puis il dit, maman, le soleil, il y a plus de bûches ici. Ah oui, c'est un fait. La vérité sort de la bouche des enfants. Ah oui. Ou de la bûche des enfants. Ouais, de la bûche, et ouais. Si j'avais juste un petit conseil pour ceux qui veulent aller dans le sud, surveillez votre verre, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons qu'ici. Parce que tu peux attraper des petites bébites là-bas. Ah oui. Donc, ouais. Et l'autre voix que vous avez entendue, il est toujours quasiment tout le temps là. On l'aime bien gros, c'est pour ça qu'on le réinvite tout le temps. Luc Desormeaux, salut Luc. Tu mens tellement bien. Ouais, je le sais. T'es bon, t'as de la pratique, hein, j'imagine. Je dis bonjour à ta blonde en passant. Ouais, c'est ça. Salut JB. Je peux acquiescer de l'expérience de Daniel parce que moi aussi, je suis allé dans le sud il y a pas si longtemps et j'avais pogné un coup de soleil à ma première journée. Et j'ai été dans le pelage directement en revenant. Et oui, il y a plus de bûches dans le soleil au sud. C'est vraiment assez incroyable. Réalité moi aussi, j'ai brûlé. Réalité augmentée, votre nouveau show voyage. Oui, c'est ça. Mais je trouvais ça drôle aussi parce que, tu sais, ça sentait le cochon grillé pas loin de chez nous. Puis je voyais aucun de mes voisins qui faisaient du barbecue. Finalement, c'est Daniel dans le sud qui se faisait griller. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Ça sentait l'or, hein. Oui. Ça sentait, ouais. Ouais, ça venait de loin. La Queen dure. Ouais, le vent fait voyager les senteurs. C'est quoi la réalité augmentée? C'est pas un podcast de voyage, mais bon, si vous êtes une compagnie de voyage, voulez nous en payer pour qu'on les teste, on le ferait là. C'est pas un show de voyage, mais le monde peut l'avoir l'heure. Ah, ouais, ah, c'est le vous de même. Avec les niaiseries qu'on dit. C'est plutôt un podcast sur l'univers geek, donc cinéma, jeux vidéo, de la technologie aussi on the side. Et parlant de technologie, t'as un petit win pour nous autres, Luc, là-dessus. Ouais, je sais pas si les gens ont remarqué ça, si vous l'avez pas vu passer, parce que c'est très possible, c'était seulement disponible en Asie, donc Corée, Japon et choses comme ça. Samsung a sorti un Galaxy S6 Edge aux couleurs de Iron Man. Donc, il est rouge et or avec le chargeur, l'espèce de station d'accueil où on dépose le téléphone dessus pour charger par induction, qui est tout sur le thème d'Iron Man. Il est vraiment super débile écœurant. Le seul problème, c'est que, j'ai pas converti parce que j'étais allé sur le site de Samsung puis je suis pas trop sûr en quelle devise qu'ils mettent ça, mais ça doit valoir quelques milliers de dollars. C'était en édition très, très limitée et puis c'est déjà tout vendu, mais bon, c'est pas disponible ici. Il y a une compagnie qui s'appelle Skin Wraps qui a fait un kit pour transformer votre Galaxy S6, ma foi, bien ordinaire, en version Iron Man et la ressemblance est, ma foi, assez pognante. Donc, pour à peu près 32,54 $, frais de port compris. Ça, c'est en Europe, là, donc j'imagine c'est avec les conversions et tout et le transport. Thématique de Queen encore ici, là. C'est quelque chose comme ça. Donc, frais de port. Frais de port. Vous allez être seigneur. C'est moi qui fais les jokes douteuses d'habitude. Ouais, là, je t'en volais une. Là. Donc, vous pouvez avoir un téléphone qui ressemble à Iron Man, à celui d'Iron Man de Samsung directement. Puis, il y a même un collant que vous allez déposer sur votre station d'accueil pour le charger qui va faire qui a lui aussi l'allure de Iron Man. Donc, si ça vous tente, au lieu de payer des 2-3 milliers de dollars pour un téléphone qui, oh ma foi, vous ne pouvez plus acheter, puis de toute façon, vous ne pouviez pas si vous étiez au Canada, bien, vous pouvez faire vos frais avec vos amis en achetant ce kit-là, puis en vous en faisant un vous-même. Yeah! Hein? Mais il est vraiment hot, là. Mais je ne sais pas si je paierais tant que ça pour un téléphone qui, quand tu l'allumes, dit « Avengers Age of Ultron, now in theaters », parce que ça va être passé date dans à peu près un mois. Oui, exactement. Donc, l'obsolescence programmée. Là. peut-être qu'il m'en échange « now on DVD », puis... Ou encore, il va dire « Captain America », puis là, tu sais, il change à chacune des sorties. Ça pourrait être une façon de... renouveler le produit, là, mais en même temps, tu sais, au nombre qu'il doit avoir, je suis pas sûr que ça vaut la peine de payer quelqu'un pour programmer ça. Puis, peut-être, mais j'aurais peur d'avoir un téléphone Iron Man dans mes poches parce que Iron Man crée ses propres ennemis tout le temps. Je sais pas si le téléphone s'auto-pitcherait dans une balle de toilette ou dans un lac ou peu. Le premier flaque d'eau qu'il voit, il sort de ta poche puis il se pitche dedans. Tu sais, un téléphone cellulaire avec un cœur au nucléaire, c'est un peu intense, là. Peut-être aussi. Il faut peut-être pas le laisser au soleil. Ouais, c'est ça. T'sais, puis, ouais, peut-être pas. Moi, j'ai un petit win côté culture pop. On aime tous les films Back to the Future, les films de super-héros, le Power Glove de Nintendo. C'est le genre d'affaires qu'il y a dans le film Kung Fury, qui est en fait un film qui a été financé via les campagnes de socio-financement. C'est la compagnie Laser Unicorns qui a développé ça. C'est une gang c'est des Suédois. Et le projet, c'était de faire le film le plus what the fuck possible, mais ça. Avec... Ça marche. Oui, ça marche très bien. Et il est maintenant disponible sur YouTube. Cherchez Kung Fury. Et c'est l'histoire d'un policier qui revient dans le temps pour tuer Hitler dans le passé. Puis là, il a besoin de l'aide de entre autres, son coéquipier de la police. C'est Triceratops. Donc, un policier avec une tête de Triceratops. C'est capoté, OK? Il n'y a rien qui fait du sens là-dessus, mais c'est écœurant comment est-ce qu'il y a tellement de... Tu sais, il bloque plein d'affaires. Maintenant, il y a une machine d'arcade qui se met à se battre. Des affaires de mal. En tout cas, c'est malade. Ouais. C'est 31 minutes de cerveau déjanté qui veut exploser à tour de bras, mais c'est tellement le fun, c'est tellement plaisant. Et c'est disponible gratuitement, en plus, via YouTube. Et je veux juste rajouter une petite quelque chose par rapport à ça. Non. Pour trouver l'information, oui, je vais le faire. Okay? Je vous demande même pas votre avis vraiment. Là. C'est une question juste pour être fin. Exact. Je suis sur le site de gameblog.fr pour voir la nouvelle, qui pour savoir où est-ce que c'était fait le socio-financement, ça venait de qui, blablabla. Et dans le coin en bas, ça me dit « Recommandé pour vous, Oculus Rift autorise les contenus pornographiques en réalité virtuelle. » Je sais pas si c'est un plus ou un moins. Je me demande comment est-ce qu'on fait pour savoir que pour moi, c'était ça l'article qu'il fallait que j'aille lire. Google garde tes historiques de navigation. En tout cas, sachez qu'il y a de la réalité virtuelle avec de la porn. Yeah. Ben, c'est plate à dire, mais l'industrie de la porno décide du format qui va survivre ou mourir. VHS, bêta, DVD, Blu-ray, HD DVD, le 3D, tout ça, c'est pas mal eux autres qui ont mainmise, si je peux dire, sur la technologie qui va survivre ou pas. Donc, ça a toujours été, ça a l'air que ça va continuer à être. Mais je sais pas si je baserais ma campagne de marketing là-dessus. Non, mais hein? Bon. Mais bon. C'est pas très familial comme produit. C'est plus ou moins. T'avais un petit fail, Dan, de ton bord à propos de Sony. Petit. En fait, le 3 s'en vient, vous le savez. En tout cas, sinon, je vous l'apprends. Ça s'en vient très rapidement. Puis, il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que Sony va avoir en réserve. Parce que on va se le dire, d'ici la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qu'on sait. Il y a deux remakes. Un de God of War, l'autre de Ratchet & Clank. Mais à part de ça, la grosse sortie, c'était censé être Uncharted 4. Puis, repoussé en 2016. Et là, il y a un des hauts dirigeants de Sony que... À peu près, on est à quoi? Deux semaines et demie du E3. Elle dit effectivement, pour le reste de 2015, on n'a pas grand-chose. Yeah. C'est ça. Mais je voyais une image qui circulait sur Facebook. Où est-ce qu'on voyait, mettons, PS1, t'as une banque de CD, c'est fou, il y en a plein, là, des milliers. PS2, t'en as un petit peu moins. PS3, t'en as un petit peu moins encore. Puis PS4, t'as genre une pochette de jeux dans une bibliothèque vide. Là. C'est à peu près ça. Là. Disons que c'est le lancement de la nouvelle génération, puis c'est autant le cas sur Xbox, là, on va se le dire, là, c'est très lent. Là. Les titres, ça arrive au compte-gouttes. Ouais, ben, tu sais, sur Xbox One, on s'entend que le titre de l'automne, ça va être Halo 5. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de contestation à ce niveau-là. Mais du côté de Sony, je le sais pas. Du côté Nintendo, je le sais qu'il y a Yoshi, mais encore là. En tout cas, moi, j'avais parlé avec Nintendo, puis on considère plus Splatoon, dont on va parler tantôt, comme un plus gros titre que Yoshi. Donc, on considère que Splatoon est une nouvelle propriété beaucoup plus importante. T'sais, on veut vraiment mettre cette possible nouvelle série-là beaucoup plus de l'avant que Yoshi. D'ailleurs, il y a eu différentes choses d'organiser en regard de Splatoon. Là, d'ailleurs, avant qu'on fasse la critique, là, je me demande vraiment là, pourquoi ils n'ont pas mis les personnages de Nintendo dans Splatoon au lieu de mettre des nouveaux personnages. Ça aurait été tellement plus simple côté marketing. Moi, il faut que ça marche avec le style de jeu. Mais écoute, ils font du tennis, ils font du card, ils font du platforming, ils font tous les personnages de Nintendo. Pourquoi pas tirer du gun à l'eau? Mais ils ne sont pas des calmars gluants. Non, c'est ça. On va en reparler dans le jeu, c'est parce que ça rapporte. Mais, tu sais, Splatoon, on voulait vraiment... Tu sais, faut connaître un peu aussi l'historique de Splatoon, là, c'est vraiment parti de rien. Mais on voulait vraiment lancer une nouvelle propriété intellectuelle. Mais je veux juste revenir à mon fait, c'est que là, tu sais, on sait un peu ce qui s'en vient du côté de Nintendo. Il y a aussi X, là, la suite de Xenoblade Chronicles. Donc, du côté de Microsoft, on a quand même certaines choses. Du côté de Nintendo, on a certaines choses aussi. Mais du côté de Sony, c'est un peu vide. T'sais, surtout que là, on vient d'annoncer qu'en dehors du Japon, la PS Vita est considérée maintenant par Sony comme une legacy console, donc une console morte. À tout point de vue morte. Donc, fait partie de l'histoire. Donc, c'est ça. Là, en plus, on vient dire pour le reste de 2015, on n'a pas grand-chose. C'est un peu questionnant. Là, fait que j'ai l'impression, malheureusement, que, en tout cas, du moins du côté de Sony, on va assister à ce qu'on avait déjà vu l'année passée au E3. C'est-à-dire, on va voir bien des affaires pour 2016. T'sais, l'année passée, c'était un peu hallucinant de voir tout ce qui était annoncé pour 2015. Là, on va probablement réciter à la même affaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on va nous présenter, tout le monde va être ses fesses, tout le monde va dire « Oh mon Dieu, ça a l'air écœurant », mais en 2016, fait que voilà, c'est un peu questionnant. Ouais, c'est ça, le E3, ça sert plus à annoncer qu'est-ce qui se passe cette année, c'est à long terme, tu sais, maintenant. Ouais, c'est ça. J'aime pas cette tendance-là, tu sais, avant... Le 3, tu sais, t'avais des annonces des fois, puis c'était des annonces pour le court terme, tu sais. Il y avait des annonces surprises pour l'automne. En magasin, maintenant! Là, tu fais comme, voyons donc! Puis, Oui, tu sais, ça, c'était le fun. Mais là, c'est ça, là, t'annonces pour l'année suivante, puis encore, est-ce que ça va paraître l'année suivante? C'est sujet à discussion. Tu le sais plus, tu sais. J'aime pas cette tendance-là. Je pense qu'à un moment donné, ça va finir par perdre la crédibilité puis aussi finir par jouer sur l'intérêt des gens. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je ne vais plus au E3 depuis... Hein, ça fait combien d'années? Ça fait déjà 11 ans que je suis allé au E3. Donc, ça m'intéresse plus. Je trouve pas que ça m'apporte quoi que ce soit. Puis, même au niveau des relations maintenant avec les avancées du net puis de la technologie... Ça donne plus rien là, de se taper un beau voyage de je sais pas combien d'heures là, pour aller en Californie. Donc voilà, j'ai hâte de voir. On s'en reparle de la conférence de Sony. Je vais aller voir ça sur un écran géant. J'ai été invité pour ça. Fait qu'on s'en reparle, on va peut-être bailler dans la salle. On sait pas. Ouais, peut-être. Hein. gang, vous allez tous vous accoter la tête sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Là, ça va être le fun. Ouais, soit bailler, soit brailler. Un des deux. Je pense plus broyer. Je suis pas rendu au point de broyer. Non, il n'y a pas de jeu. C'est un peu intense. Ouais, mais ceux qui ont plus qu'une console, c'est quand même pas trop pire. Si t'as une PS4, une One, puis une Wii U, tu dis au moins tu vas avoir de quoi te mettre sur la dent, mais celui qui a juste acheté une PS4 parce que c'était sa console de prédilection, puis il voit qu'il n'y a rien qui sort, là. Ben, c'est comme je disais, juste une One aussi, là, c'est tranquille, là. C'est... Ouais. C'est, le rythme n'est pas aussi effréné qu'en fin de vie de la 360 et la PS3. Là. Non, mais tu sais, faut que tu te bases sur ce qui n'est plus des exclusivités à Star. C'est vraiment les studios qui sortent des jeux qui vont te donner quelque chose. Les exclusivités, on dirait qu'il y en a de moins en moins. Ouais. C'est correct aussi. Moi, je me suis acheté une PS3 usagée juste pour jouer à The Last of Us, là, puis je l'ai revendu après. Fait que, tu sais, ce jeu-là, j'aurais pas pu y jouer, puis il me tentait si j'avais pas fait cette opération-là. Fait que, tu sais, des exclusivités, est-ce que les joueurs sont vraiment gagnants? Non, pas tant que ça. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression que l'automne prochain va être un automne assez tranquille. À part peut-être pour Halo 5, mais pour le reste, j'ai l'impression que ça va être relativement tranquille. On risque d'avoir bien des suites de suites, là, genre Disney Infinity. Là, que, bon, en tout cas. Ouais, Star Wars. Ouais, mais là, tu sais, ils viennent de venir m'accrocher, là, moi. Là. Ben, pas moi. Pas encore, mais. Parce que je trouve ça poche qu'ils partent ça avec The Clone Wars, par exemple. C'est comme. Tu sais, c'est un premièrement, The Clone Wars, c'est un dessin animé qui est fini, qui ne roule plus aujourd'hui, tu sais. Mm. Disney aurait dû faire un gros coup avec ça, sortir ça juste un petit peu avant le nouveau film, avec des parties, un peu comme Lego avait fait. Lego, Lego ont sorti Lego Star Wars, c'était-tu Lego Star Wars 3 ou Lego Star Wars, les 6 films, la saga complète. T'avais le troisième film, t'avais Revenge of the Sith dedans. Puis, je veux dire, tu jouais au jeu, puis le film t'es pas sorti encore. Ouais. Tu sais, c'est ça que Disney aurait dû faire avec Infinity, c'est te sortir une histoire qui a rapport avec les nouveaux films, puis t'embarquer là-dedans. Tu sais, Disney est en train de sortir, je pense, c'est 10 livres, 8 ou 10 livres qui vont se passer entre Retour du Jedi puis le nouveau film. Tu sais, prends-en un ou prends-en trois puis fais des histoires puis sors le jeu là-dedans avec des personnages qu'on va connaître dans les prochains films puis le monde va triper. Tu sais, y aller avec du stock que le monde se fout un peu. C'est plus hot de Clone Wars. C'est rendu Star Wars Rebels à Star. Pourquoi Clone Wars? Je sais pas. C'est la seule partie que j'ai pas compris. Ben non, valeur sûre, vas-y, quoi d'épique? Sors le premier kit que tu sors, vas-y avec A New Hope, vas-y avec le premier Star Wars que j'ai jamais sorti, là. Épisode 4, vas-y avec ça. Ouais. Tu sais, faire vivre au monde les. De toute façon, c'est qui achète les jeux? Oui, c'est pour les enfants, là, mais c'est qui a l'argent pour acheter les jeux? C'est les nostalgiques comme moi ou nous autres, là. Fait que tu sors un kit Star Wars épisode 4, tu sais, un nouvel espoir, puis avec tes niveaux qui sont sortis de ce film-là, tu vas en vendre. Là, tu sors Clone Wars. Clone Wars, c'est quelque chose qui est sorti pour les enfants à la télévision. Les parents vont être moins intéressés. Ouais, c'est clair. Fait que moi, j'étais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, Star Wars! » On le savait tout, ça s'en venait. Là, après Marvel, c'était Star Wars, c'était sûr et certain. Puis que Disney achetait ça, fait que là, j'étais tout « Oh, yeah, ça va sortir. » Puis là, quand j'ai vu sortir, il n'y avait rien, tu sais, il y avait juste le... Tu sais, ça s'en vient, Disney Infinity 3, Star Wars. Je dis, oh yes, on l'a. Après ça, j'ai vu les pochettes. Je dis, oh, Clone Wars. Ah, ok, bon, on va peut-être attendre finalement. Je suis passé de vraiment hypé à moi. Tu sais, fait que c'est ça. Oh, ouais. Mais en tout cas, ça pour dire qu'on s'en reparle. Là. On va sûrement s'en reparler après le 3 de ce qui a retenu notre attention. En tout cas, des moments marquants. Mais je m'attends pas à grand-chose. Puis là, avec ce commentaire-là dehors ou dirigeant de Sony, désolé, je me rappelle pas c'est qui, le nom m'échappe, mais ça regarde pas très bien, là, pour... en tout cas, pour 2015. 2016, on verra. Sur l'émission, ce soir, on va avoir plusieurs sujets. Là, ça, c'est Halloween puis les fails, là, c'est comme l'intro. On va avoir encore une chronique web télé avec William en toute fin d'émission. Moi, je vais vous parler du film The Voices et du webcomic GL8. Et vous autres, les boys, vous allez avoir deux sujets. Un en commun, les deux ensemble, puis Luc, tu vas nous parler d'un film. Ouais, moi et Daniel, on va vous parler de Splatoon. Ouais, on va parler tantôt. Puis moi, je vais parler du monde de demain, Tomorrowland, avec George Clooney et plein d'autres noms. Je vais commencer avec mon webcomic. C'est le truc le plus rapide là, en termes de chronique qu'on va faire ce soir. JL8, si je le traduis, là, en tout cas. C'est disponible en anglais. C'est un webcomic qui roule depuis un bon petit bout de temps. C'est dessiné et créé par Yale Stewart. Et ça met en scène Power Girl, Wonder Woman, Flash, Superman, Green Lantern, Batman et Martian Manhunter. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont 8 ans. Ben, le problème, c'est la prémisse de base du comic. Et d'ailleurs, c'est pas basé sur aucune histoire de DC. Là, ça n'a aucun lien. Et d'ailleurs, le gars fait pas d'argent, il n'y a pas de pub, rien. Pour ça, fait qu'il y a totale liberté. Et on les voit donc, les personnages de DC, évoluer dans l'école primaire, leur relation entre eux autres, leur découverte de leur pouvoir, comment les utiliser, apprendre c'est quoi le monde des adultes, tranquillement, pas vite. Et pour vrai, là, il y a une couple de blagues qui sont écœurantes. Entre autres, à un moment donné, il y a une scène où est-ce que Batman est en train de parler, puis tu vois genre la cour de récré, puis il dit « Ça, c'est mon terrain de jeu. Ça, c'est mon territoire. Je le connais comme si c'était le fond de ma poche. » Et là, il y a une petite voix en arrière qui fait comme « Hey, Bruce, tasse-toi! » Puis tu le vois sur pas caméra large, mais sur le plan large, il est sur le top de la glissoire. Puis il est en train de faire son speech intérieur. Puis il est obligé de se pitcher pour aller se glisser parce que les autres attendent en arrière de lui. Puis c'est toute la relation entre les kids, comment est-ce que chaque personnage évolue dans cet univers-là. Bruce, Batman, il est vraiment comme plus obscur. Il a goût de faire peur. Il découvre lui-même son personnage puis son approche, puis Superman est juste comme trop good guy, tu sais, tout le monde l'aime, puis Bruce fait comme t'es bien tannant, t'es trop fin, arrête d'être fin. Puis là, à l'inverse, c'est les autres personnages, c'est l'interaction, c'est le fait qu'ils sont au primaire puis ils découvrent leur affaire. À un moment donné, classe de gym, puis c'est Doomsday qui est le prof de gym, puis il joue au ballon chasseur, puis arrête pas de lui pitcher des ballons en face. T'as aussi les vilains qui sont comme l'autre gang de cool de l'école qui se battent les uns contre les autres, mais au niveau des enfants, tu sais, du fait que c'est des enfants. Fait que ça, c'est cool, c'est une belle approche. J'ai trouvé ça bien belle fun. Il y a 200 pages à lire, fait que il y a du plaisir à avoir, ça c'est sûr, puis ça va évoluer tranquillement, pas vite, au fil des aventures. Et il y a aussi les parents de chacun de ces personnages-là qu'on voit, fait que leur interaction avec eux autres. Parents, c'est l'IA, parce qu'on s'entend qu'il y a certains personnages qui n'ont pas leurs parents, et que ça va amener à certaines situations aussi de ce côté-là. OK. C'est-tu cautionné par DC Comics? Non, c'est ça, c'est complètement, complètement à part. Ben, ça permet d'aller à des places qu'on n'aurait pas pu aller aussi normalement. C'est vraiment une réinterprétation un peu des histoires de DC, là, les grands arcs narratifs, et surtout un peu la jeunesse là, des différents personnages. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun, c'est du beau petit humour, c'est léger, c'est le fun, c'est pastel, c'est super bien dessiné, puis en plus, ben, c'est gratuit, fait que si vous avez le goût, ben lâchez-vous lousse, c'est le fun, pour vrai. Ouais. C'est disponible libero.org/JL8. Donc, me demande juste si DC vont laisser aller ça longtemps. Ben, ça fait quand même un bout de temps, parce que même que le créateur, il a dit, il a fait une annonce sur son blog pour dire que le webcomic allait prendre une pause pour un certain temps, parce qu'il est sur d'autres projets aussi, mais il n'a pas l'air d'avoir d'impact de la part de DC Comics, parce que ça roule depuis une affaire comme 2 ans, là, quasiment. Ah, OK. Oh, oui. Puis, mais le gars, pour vrai, il doit pas faire de l'argent avec ça, parce que sur sa page, il n'y a rien. Tu as un bandeau qui dit le titre en haut, puis tu as le comic, puis c'est tout. Tu n'as pas de lien pour aller sur d'autres pages web. Tu n'as rien. Puis même le blog du créateur de Yale, c'est même pas linké. Il n'y a rien là, qui amène vers son site web qui pourrait lui permettre d'avoir d'autres contrats. À part le fait que son nom, il n'y a rien qui l'associe. Il n'y a rien qui link avec d'autres choses. Fait que pour moi, il fait pas d'argent avec ça. Là. Ah, c'est possible. Il dit à toutes les pages que c'est basé sur le caractère, les personnages de DC Comics. Fait que, je pense que c'est clean, là. Ouais, ben, je vais regarder ça tranquillement. Je suis justement à la... C'est la 200 qui est sortie, puis là, j'ai reculé à 001. Ouais. Ça commence avec Batman, là, Alfred qui l'amène à l'école. Ça a l'air pas pire. Je pense que je vais regarder ça un peu. C'est Maître Bruce, puis tu sais, comme s'il était adulte, puis tu sais, Bruce, c'est un kid, là, il a 8 ans, puis Alfred est vieux. Maintenant, il écoute un film, lui, puis Superman chez eux, puis il dit bon, ben, j'ai pas de parents, là, mais tu sais, Alfred, il fait la job. Puis il fait comme Alfred, popcorn. Tu sais, c'est comme oui, monsieur. Il est super comme à l'attention, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment comme les mêmes enjeux que s'il était adulte, mais vu à l'âge de 8 ans, tu sais. Fait que la perception est enfantine, mais c'est ça qui amène la petite touche. C'est bien le fun. Ouais, non, c'est cool. Je le recommande. Ouais, c'est cool. Splatoon, il va-tu avec ça? On peut. Oui, bien. Allez-y, ouais. Go. Vas-y, Dan, je te laisse aller, c'est toi le pro. Ah, Splatoon. Splatoon, en fait, je parlais un petit peu que tantôt qu'il fallait connaître l'historique derrière ce jeu-là. C'est parce que Splatoon a commencé comme un projet très, très mineur chez Nintendo, un peu comme l'a été à l'époque Super Smash Bros. Super Smash Bros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de cette série-là, c'est vraiment un petit projet qui finalement est devenu un succès mondial. Stone pour la gang de Blizzard. Ouais, il y a des projets de side de même. Quand tu laisses la liberté un peu à ton monde, ben, il peut y avoir des belles affaires qui sortent. Là. C'est ça, exact. Ben, en fait, Splatoon est parti de la volonté de Nintendo de créer un petit projet de jeu de tir multijoueur, je tire à troisième personne. Puis finalement, le projet a grossi, Nintendo a vu le potentiel là-dedans et on en a fait une sortie. Là, ça vient de Nintendo, là, ces paroles-là. Une sortie majeure pour 2015 sur Wii U. Parce que, bon, moi, je m'étais toujours dit, une des sorties majeures en 2015, ça va être Yoshi's Woolly World. Mais on semblerait que Splatoon est encore plus important que ce jeu-là. Parce que, notamment, c'est une nouvelle propriété. Donc, ça met en scène des nouveaux personnages, un nouvel univers. Et surtout, un nouveau genre pour Nintendo parce que Nintendo, dans toute son histoire, n'a pas vraiment développé de jeux de tir à troisième personne, encore moins multijoueur et encore moins en ligne. Ouais. Donc, c'est ce que Splatoon propose. Et Splatoon, puis je vais laisser Luc à y aller pour la suite, mais juste pour vous mettre en contexte, c'est un jeu très, très spécial. Dès qu'on rentre là-dedans, on n'est comme pas trop sûr. Ça m'a un peu rappelé Jet Set Radio. Ouais. J'étais pas sûr, là. Je t'avais dit Jet Grind Radio. Pas au niveau du style, plus au niveau de l'univers éclaté. Parce que quand tu rentres là-dedans dans Splatoon, on propose un univers où tu jettes de l'encre un peu partout, tu fais exploser du monde à l'aide d'encre, puis toi, t'incarnes une pieuvre, mais qui peut se transformer en humanoïde. Fait que c'est bien bizarre comme contexte, puis d'ailleurs ça va être mon premier reproche envers le jeu. À chaque fois que tu pars le jeu, t'as une espèce de canal de nouvelles qui part, ouais, et qui te renseigne, puis là je mets renseigne entre guillemets, sur les niveaux de bataille, puis les modes de jeu qui sont offerts. Et ça, c'est à chaque fois que tu pars le jeu, c'est comme deux animatrices fatigantes là, qui te renseignent sur finalement le contenu du jeu que tu sais déjà. Donc ça c'est un peu gossant, mais juste au niveau des animatrices, là vous allez un peu voir l'univers très très particulier dans lequel vous allez être. Et Luc, je te cède la parole pour la suite. Ouais, fait que vous allez partir le jeu, puis après, la première fois, vous allez faire les deux gâchettes de côté pour passer le texte qu'ils vous disent au plus à grand, parce que c'est toujours la même affaire, mais c'est vrai que c'est gossant. Mais au coup qu'on a passé ça, ça devient intéressant. Donc, on commence le jeu, on est dans une espèce de ville où, si j'ai fait le tour, là, mais ça semble être tous des magasins. Et ouais, tous des magasins qui ne te vendront que si tu es cool. Et la seule manière d'être cool, c'est d'atteindre le niveau 4 au moins et de monter après ça. Donc, si vous rentrez dans un magasin, vous essayez d'aller acheter quelque chose, une nouvelle arme, du linge ou peu importe. Si vous n'êtes pas au niveau 4, on va vous dire « t'as l'air bien fin, mais t'es pas assez cool, je ne peux pas te vendre ». Ça fait vraiment pas réaliste parce qu'aujourd'hui, n'importe qui va te vendre à crédit. Et qu'on on s'empêcherait pas parce que t'es pas cool de te vendre de quoi. Non. Fait que dans ce jeu-là, il faut que tu sois cool. Donc, il faut que tu atteignes au moins le niveau 4 pour pouvoir acheter des objets. Il y a vraiment deux modes de jeu. Il y a un mode solo, puis il y a un mode en ligne que vous pouvez jouer soit contre des amis ou soit contre du monde qui attend dans un lobby. Ça prend 8 personnes pour créer une partie, donc 4 d'une équipe, 4 de l'autre. Vous allez être séparés vraiment au hasard en deux équipes, puis après ça, on va vous lancer la partie, puis vous allez vous battre un contre l'autre, puis c'est là que vous pouvez monter de niveau. Vous ne pouvez pas monter de niveau, en tout cas pas à ce que je sache, en jouant le mode solo. Non. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre dans ce jeu-là, c'est que le mode en ligne est vraiment aberramment évident. Hein? C'est que tu rentres, t'arrives en avant par une porte immense et puis là, c'est le lobby pour attendre pour jouer ta partie contre tes amis. Si tu veux jouer la campagne solo, c'est un bonhomme qui se cache dans un canal, qui rouvre le canal, qui regarde pour voir si quelqu'un l'a vu, qui referme le canal. t'es pas nécessairement porté à aller là tout de suite. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, OK, ça a l'air comme secret. Moi, j'étais comme, ah, ça a l'air comme secret. Fait que, bon, on va faire ce que j'imagine personne va faire. Je vais aller voir lui en premier. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a un mode solo. Le mode solo, c'est différents niveaux. Puis il faut passer ces niveaux-là pour passer au prochain monde, aux prochaines scènes où j'ai le area dans la tête. Là, mais c'est la prochaine section. Fait que ouais. Ce qu'il faut faire, c'est ramasser des poissons électriques. Puis ces poissons électriques-là vont faire partir une génératrice qui va débarrer le passage vers la prochaine section. Donc, il faut rentrer dans les niveaux. Au début, c'est hyper facile. On tue certaines bibittes plus ou moins agressives. Puis là, on ramasse le poisson électrique. Puis là, on sort. Puis là, il faut ramasser comme 3 poissons électriques pour passer. Il y a les boss qui sont quand même simili-difficile depuis le premier. Je sais pas si, comme moi, Dan, le premier, qui est l'espèce de cube avec des tentacules, t'as un peu de misère, là. C'est pas toujours évident, là. Puis encore là, vous allez voir l'univers spécial parce que, bon, juste pour prendre l'exemple, on n'aimera pas toutes les boss, mais ce cube-là, au bout, il y a des jambes de femme. Mais pourquoi? Je le sais pas. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des tentacules ailleurs. C'est ça, il y a des. Fait que c'est comme un mélange de hentai puis de. En tout cas, bref. Ça manquait de female protagonist. Non, c'est ça, alors. Peut-être. Fait que. Mais les boss que j'ai trouvé intéressants, moi, ils m'ont rappelé certains boss de Super Mario Galaxy au niveau de l'originalité. Parce que c'est pas des boss que. Tu sais, la solution te saute pas aux yeux dès que tu les confrontes. Il faut que tu prennes le temps un peu d'analyser leurs mouvements, de voir un peu, OK, comment je vais faire pour aller atteindre telle cible pour l'endommager ou finalement pour le blesser. C'est des boss qui sont ingénieux, puis c'est ça que j'ai trouvé le fun dans le mode solo, c'est que tous les niveaux, ils ont une petite dose d'ingéniosité. C'est pas des niveaux qui sont très longs, mais c'est des niveaux qui sont très bien faits puis ouais. qui se marient bien avec le style de Splatoon, le style de jeu. Style de jeu dont on va un petit peu plus parler, mais c'est des casse-têtes pas hyper difficile, mais il y en a qui vont quand même vous mettre au défi. C'est juste bien fait le mode solo. C'est pas très long, par contre. Vous en avez pour peut-être 5-6 heures, à mon avis. Mais c'est pas un mode qui est long, mais c'est un mode qui est le fun. Vous allez avoir du plaisir à compléter chacun des niveaux, puis à ramasser les différents items que vous allez pouvoir récolter, parce que il y a entre autres des parchemins, c'est ça. Je cherchais le mot. Des parchemins secrets à trouver. Moi, je suis retourné dans certains niveaux pour essayer de trouver les parchemins, juste parce que j'avais du fun à rentrer des niveaux. Ouais. Mais il y a des niveaux juste cool, juste parce que, tu sais, t'as ton fusil à peinture, puis là, dépendant, t'as une certaine couleur, puis il faut que tu vraiment peinture. L'originalité du jeu, c'est que ton personnage est un humain, en grosse parenthèse, qui est aussi un calmar, donc une pieuvre. Ouais. Puis, cette pieuvre-là vit pas dans l'eau, mais est confortable dans la peinture. Donc, pour monter sur le côté d'un mur, ce qui serait théoriquement impossible, tu le beurres de peinture, puis après ça, tu te transformes en calmar, et là, tu peux nager dans la peinture sur le côté du mur pour passer à un niveau supérieur. Mm. Puis ça, faut le faire souvent, parce que même une petite rampe avec une douce courbe vers le haut, ton personnage est trop push pour marcher vers le haut, mais si tu peintures avec ta peinture, avec ton fusil à peinture, tu peux te transformer en calmar, puis là, monter. Puis ça, on va s'en servir souvent. Des fois, faut à un moment donné, quand ça devient un peu plus compliqué, faut que tu tires le mur en avant. Des fois, tu as un espace. Donc, faut que tu sautes, que tu te transformes en calmar. Puis là, tu es rendu dans la peinture. Puis tu peux continuer à monter. Fait qu'il y a différentes choses comme ça. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un peu, tu sais, comme Dan disait, un peu de puzzle, mais un peu de stratégie. Parce que tu peux utiliser ta peinture, ton fusil à peinture de plusieurs manières. Tu as aussi des bombes de peinture que tu peux lancer. Puis là, pour jouer en mode de multijoueur, tu as différentes armes. Tu as un gros rouleau que tu peux t'acheter, des choses comme ça, mais niveau 4 et plus. Hein. Mais tu sais, tu peux tirer tes ennemis en pleine face, puis ça va les tuer. Tu peux aussi tirer le plancher et vraiment les arroser tous les alentours de la peinture de ta couleur. Parce que tu ne peux pas marcher sur la peinture de la couleur d'un ennemi. Tu vas caler dedans tranquillement et mourir. Donc, tu peux te servir de ta peinture pour, genre, noyer ton ennemi dans la peinture ou y tirer en pleine face et, à un moment donné, le faire exploser. Il y a des ennemis qui ne tirent pas sur toi. Ils font juste être là. puis s'approche de toi, puis s'il te touche, ça va te blesser. Mais puis il y a d'autres ennemis vraiment qui vont se mettre à tirer dessus. Il y a des niveaux, à un moment donné, il faut que tu montes, absolument, tu montes un mur pour te rendre à l'autre étage pour finir ton niveau. Puis il y a une espèce de balayeuse qui nettoie la peinture que tu mets. Fait que là, tu barres ton mur, tu essaies de grimper, la balayeuse passe. Ah, tu barres ton mur. Ce niveau-là m'a vraiment frustré. Ah, c'est gossant. Mais là, il faut que je passe vite, mais je suis pas bon encore au point où je suis rendu. J'ai de la misère à beurrer le mur, me transformer, puis monter assez vite pour pas que la balayeuse nettoie. Puis là, je suis obligé de redescendre. Ça m'a pris une coupe de coups pour l'avoir, mais après ça, c'était correct. Puis c'est drôle, je pense que c'est la seule fois que j'ai vu la balayeuse. Vraiment, là, il me semble, je ne l'ai pas vraiment revue ailleurs. Là. Mais, ouais, elle revient. C'était une belle balayeuse. Tu sais, mais elle n'est pas là tout le temps. Non. Fait que t'as ça. Quand tu avances un peu plus d'un niveau aussi, t'as des ennemis plutôt statiques, là, des ennemis qui sont, mettons, dans une tourelle puis qui vont tirer. Fait que là, il faut que tu fasses le tour pour leur tirer dans le dos pour être capable de les blesser ou tu pitches une bombe. Mais plus tard, tu pognes d'autres humains qui peuvent aussi se transformer en calmar, qui eux autres bougent vite puis tirent dessus. Fait que là, il faut t'adapter ta stratégie pour être capable de le tuer. Puis tout dans le but de trouver ces poissons électriques-là qui vont te faire passer au prochain niveau avec des boss et des choses comme ça. Puis comme Daniel dit, les boss sont pas nécessairement évidents tout de suite quand tu les vois. Comme le cube au début, tu vois, OK, il tombe sur le côté, il y a une tentacule, tu tires sa tentacule, elle explose, mais un coup, tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sais, à un moment donné, à chaque fois que tu l'exploses, il perd des bouts de métal sur son côté, mais là, ça vient de plus en plus dur. Puis là, faut que tu grimpes dessus, ça vient plus compliqué. Mais c'est un jeu qui est vraiment bien. Le seul côté que moi, j'ai trouvé un peu fatigant, c'est les contrôles. Pour moi, ça a été assez rapide. Là, OK, tu contrôles ton bonhomme en bougeant vraiment ton gamepad, ton bonhomme va se tourner gauche-droite. Après ça, tu peux te servir de tes deux joysticks pour avancer, pour tourner aussi. Mais l'inclinaison de ton gamepad va être où ce que ton bonhomme va regarder et tout ça. Fait que c'est pas évident la prise en main en 30 secondes. Mon fils a eu plus de misère. Lui, il a voulu jouer, j'ai pas eu le temps d'y montrer. Fait que j'y ai donné le gamepad. Puis, tranche de vie, je finissais mon plafond de sous-sol la semaine passée. Il dit, papa, je vais essayer ton jeu. Fait que j'y ai donné. Et puis, je pense, après 15 minutes, il avait abandonné. Puis, il était reparti jouer au calendar parce qu'il comprenait pas le principe des commandes et tout ça. Je vais prendre le temps d'y montrer, là, mais j'ai pas eu le temps en fin de semaine non plus. Mais tu sais, c'est pas évident la prise en main. Non, mais non. Pour le reste, c'est très bien comme jeu. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis le mode en ligne, j'ai des petites réticences, là, mais vas-y un petit peu. Yeah, ben, en fait, c'est parce qu'au niveau des contrôles, moi, je vous suggère très, très fortement d'aller dans les options puis de modifier les contrôles selon ce qui vous plaît le plus. Parce que, les contrôles par défaut sont beaucoup trop sensibles. La caméra va partir d'un bout à l'autre. Les contrôles aussi, vous allez voir, votre personnage risque de bouger trop rapidement. Donc, allez dans les menus, allez dans les options, modifiez les contrôles selon ce qui vous plaît. Puis, de deux, il faut savoir que par défaut, le gyroscope du gamepad est activé. Donc, pour viser, moi, je déteste ça. J'ai haï ça dans Wind Waker HD. J'ai encore détesté ça dans Splatoon. Donc, prenez le temps de finalement d'aller voir ce qui vous plaît le plus pour espérer survivre dans Splatoon. Parce que... Là, on a parlé du mode solo. Mais le cœur du jeu... Juste une affaire, ce qui m'a déçu un peu pour les contrôles, là. Ouais. Ton gamepad, là, pendant que t'es en train de tirer puis de faire tout plein d'affaires, là, ton gamepad te sert à rien, là. Quand tu regardes l'écran du gamepad, là, t'as un petit bouton qui te dit... c'est quoi, c'est menu, c'est pas le menu, mais t'as tes améliorations, vous avez fait la même, t'as 3-4 pitons là. Fait qu'on serait mieux avec le contrôleur pro? Non, mais t'as ta map, mais pourquoi pas avoir mis sur l'écran ton visé? Tant qu'à faire. Mais c'est une bonne question, je le sais pas, mais c'est sûr que Splatoon est un jeu de tir à troisième personne. Personnellement, des contrôles plus classiques, ça se marie mieux à ce genre de jeu-là. Ah, peut-être. Fait que oui, le Controller Pro est plus utile pour ce genre de jeu-là. Mais par défaut, le gyroscope, là, oubliez ça. Là, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je me doute que c'est la même chose pour bien des gens parce que c'est trop sensible, tu vises mal, puis c'est un jeu où le temps de réaction, faut qu'il soit très très rapide, sinon tu vas te faire défoncer. Ouais, surtout quand t'avances un niveau, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Le cœur du jeu, c'est sa portion en ligne. Luc a parlé tantôt de la possibilité de se transformer en calmant pour nager dans l'angle que vous allez répandre. Puis ça, ça fait en sorte que c'est intéressant en ligne parce que ça apporte une dimension, en tout cas qu'on n'a pas vraiment vu dans d'autres jeux, qui est la rapidité de mouvement. Donc, vous allez bouger très, très rapidement. Puis en plus, en vous infiltrant dans l'encre de votre équipe, dans la couleur d'encre de votre équipe, bien, vous allez pouvoir aussi vous cacher puis finalement sauter derrière vos ennemis puis les tuer. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il faut savoir que les parties en ligne, autres que les parties avec des rangs, là, désolé, là, je sais pas comment le traduire là, autrement. Classé. Ouais. Les parties classées, là. Fait que, autre que les parties classées, les parties durent 4 minutes. Donc, ça peut paraître court, mais en même temps, ça donne une rapidité, puis un rythme intéressant aux parties. T'as pas le temps de t'ennuyer, c'est très, très vite. Les parties à 8 joueurs, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun. Puis, juste le style de jeu, juste le fait de cracher de l'encre un peu partout, c'est beaucoup plus accrocheur que ça en a de l'air. Ouais. J'ai tripé avec ça. Il y a plusieurs armes, plusieurs armures aussi. Oui, il y en a des plus puissantes que d'autres, c'est évident. Par contre, il y a possibilité d'exploiter leurs faiblesses, tu sais, je dirais dans l'ensemble. Donc, oui, c'est vrai que, par exemple, le rouleau permet de vraiment d'étendre une couche d'encre beaucoup plus rapidement qu'un simple fusil. Mais en même temps, le rouleau fait en sorte que tu peux pas envoyer de l'encre un peu partout. Donc, il y a possibilité de te faufiler puis de tuer la personne que le rouleau étant plus furtif puis en lui splashant dessus par en arrière. Au niveau multijoueur, moi aussi j'ai des réticences. Faut savoir que Nintendo, en plus de ce mode là, a inclus deux autres modes. Les modes classés puis l'autre mode, c'est le mode dojo où tu peux affronter un joueur un à un, mais ça c'est beaucoup moins intéressant que les combats par équipe. Par contre, Splatoon, tu dois absolument avoir 8 joueurs pour qu'une partie s'enclenche. Ouais. Absolument. Ouais. Ça peut être long, des fois, trouver 8 joueurs. Long ou impossible? Ou impossible. Parce que j'ai déjà attendu 5 minutes pour me faire tourner au lobby en disant « Ben, le jeu n'a pas réussi à trouver 8 joueurs, fait que recommence. » C'est long. Nintendo a dit « Bon, ben pour pallier à cette attente-là, on va inclure un mini-jeu 8 bits. » C'est le fun là pendant peut-être 2 minutes, là, mais à un moment donné, c'est long. Ça s'appelle Squid Jump. Ton seul but là-dedans, c'est de faire sauter une pieuvre. Puis d'atteindre un moment donné une espèce de poussin là, dans les airs. Puis tu passes un niveau après l'autre comme ça. Puis ça, ça te sert de mini-jeu dans l'attente que Splatoon trouve 8 joueurs pour qu'une partie s'enclenche. Pourtant, des jeux 8 bits, il y en a dans leur vidéo ludique. Là, ce serait facile d'implanter, mettons, le premier Mario. Là, ouais. Tu fais plus d'argent avec. Puis ça aurait été plus intéressant parce que le jeu de la pieuvre, là. Et c'est le fun 2 minutes, là, mais à un moment donné, tu te tannes, pas qu'à peu près. Là. Ouais. Moi, j'ai arrêté carrément de jouer, j'allais sur mon sel à la place. T'as presque hâte de te faire kicker du lobby pour arrêter de jouer. Ah non, ça peut être long. Ça n'a pas vraiment de but. Là. C'est cute la première fois que tu joues, puis après ça, un coup, t'as passé le premier niveau, tu dis ah, le deuxième est identique, presque. Ouais, non, c'est ça. Okay. C'est pas vraiment intéressant. Puis moi, j'ai deux autres grandes réticences. Puis je vais pas en terminer là-dessus parce que c'est un jeu qui est super le fun. C'est très, très accrocheur. Je me suis amusé beaucoup plus que je pensais dans ce jeu-là. Ceci étant dit, c'est un jeu qui manque de contenu. Pour le moment. Nintendo a déjà annoncé ses plans pour ajouter du contenu gratuit dans Splatoon. Il va y avoir des mods, plus d'armes, plus d'équipements, puis des choses comme ça. Mais pour le moment, c'est un jeu qui manque de contenu. Il n'y a pas beaucoup de niveaux. En fait, je pense que dans le mode principal multijoueur, je pense qu'il y en a 2 ou 3 niveaux. Il n'y a pas beaucoup d'armes, il n'y a pas beaucoup d'équipements non plus. Donc, c'est un jeu qui manque de contenu globalement. Vous avez, tu sais, payer 60$ pour un jeu comme Splatoon, vous allez avoir du fun, ça c'est sûr, vous allez vouloir grimper jusqu'au niveau maximal, mais vous allez aussi avoir l'impression que c'est un jeu qui manque de chair autour de l'os. Puis d'ailleurs, le mode là avec les parties classées est pas encore ouvert parce que il faut que tu atteignes le rang 10 pour y aller, et Nintendo a jugé que tant qu'il n'y aura pas assez de joueurs au rang 10, ce mode-là ne sera pas déverrouillé. Donc, pour le moment, c'est pas accessible. Ça peut être long parce que... Ça peut être long. Si tout le monde va dans une partie en ligne, multijoueur, puis se ramasse avec personne, ben, tu montes pas de rang bien vite. Ben non. Et c'est là ma deuxième réticence envers Splatoon. Et ça, c'est pas propre à Splatoon. Je dirais c'est propre à tous les jeux de ce genre-là. Quand tu crées un jeu centré sur le multijoueur, le problème que t'as, c'est que, à part certains titres, là, certains MMORPG comme, par exemple, World of Warcraft, là, mais sinon, là, t'as un jeu avec lequel son potentiel est limité dans le temps. C'est-à-dire que dans 5 ans, là, si quelqu'un s'achète Splatoon, qu'est-ce qui va en rester? Pas grand-chose. Il va rester une campagne solo d'une coupe d'heure. C'est ça qui va rester. Ouais, mais ça, c'est commun à pas mal de jeux massivement online. Là. Tu fais juste regarder les Call of Duty qui sortent un par année. 2 ans après, ça n'a plus. Là. Ben, c'est le nouveau que... sort, puis il n'y a plus personne parce qu'il joue à l'ancien. Ben non, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas propre à Splatoon. C'est propre à ce genre de jeu-là. Ouais. C'est pas propre à Nintendo puis à Splatoon. Donc, c'est pour ça que c'est pas une critique nécessairement envers Splatoon, mais plutôt envers ce genre de jeu-là où le cœur est vraiment mis sur le multijoueur. Splatoon, pour le moment, il y a des joueurs, il va avoir plus de contenu, mais à long terme, juste dans un an, je me demande où ce jeu-là va se positionner. Parce que moi, je fais juste penser à Titanfall sur Xbox One. Pour vrai, pendant le premier mois où est-ce que c'est sorti, c'était la folie. Tout le monde qui avait une One jouait à ça. C'était le fun, on avait du plaisir, on était vraiment une belle gang de Québécois. Et rapidement, là, après un mois et demi, j'ai vu tout le monde, puis moi le premier, vendre leur copie en se disant « Ben, c'est parce que d'ici 2 semaines, il n'y a plus personne qui va jouer. » Fait que ça a accéléré rapidement le processus de vidage, là, tu sais, du monde, ses serveurs. Puis en dedans, 3 semaines, il n'y avait plus un chat. Et voilà. Et ben, tu vois, parce que tout le monde, aujourd'hui, maintenant, est au courant que c'est ça qui arrive avec ce genre de jeu-là. Fait que pour éviter de ne pas avoir rien en retour de son jeu, ben, tout le monde se dépêche de le faire le plus rapidement possible. Dès que tu sens le moindre essoufflement, tu vends. Merci, bonsoir. Et voilà, ben ton parallèle est bon avec Titanfall. C'est un peu le même principe. C'est ma grande crainte envers Splatoon. Autant le jeu est bon, autant le jeu est accrocheur, autant c'est une belle surprise, autant je me questionne à savoir combien de temps ça va durer. Fait que... c'est vrai, on n'a pas parlé du mode Amiibo. J'aimerais bien ça vous en parler, mais j'ai pas eu d'Amiibo Splatoon à essayer avec. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça fait. Probablement juste tes stats de personnage. Non, je sais que ça ajoute certains niveaux exclusifs. Bon. Ouais, mais lesquels, comment, je sais pas. Je suis censé recevoir un Amiibo Splatoon prochainement, donc peut-être que je vous en reparlerai très très brièvement dans un futur show. Mais c'est ça, il y a quand même possibilité d'avoir du contenu supplémentaire en achetant un Amiibo, mais il faut que vous l'achetiez. Ouais, je l'ai vu dans un ex-future shop, maintenant Best Buy. J'ai vu des Amiibo Splatoon en fin de semaine. Mais c'est la folie furieuse, hein? Ouais, ouais. Ben, c'est des belles figurines. Je dirais qu'à chaque fois que j'en vois, j'ai toujours le goût. Ah, un petit Mario pour une collection, ça serait pas payé. Un petit Pikachu, ça serait pas payé. T'sais. Mais finalement, je me retiens à chaque fois. Là. Ah ouais. Dans un mois et demi, la mode va être passée. C'est ça. Mais ça reste des belles figurines si tu veux faire une collection. Parce qu'elles sont bien détaillées, sont jolies, puis tout. Puis je veux dire, c'est quand même ça. Mais c'est quand même 14$ pour une figurine qui ne servira pas beaucoup. C'est ça. Mais ceci étant dit, j'ai eu du fun avec Splatoon. J'ai des réticences. C'est pas... Tu sais, Nintendo a fondé beaucoup d'espoir envers ce jeu-là pour 2015. Je pense que c'est trop d'espoir fondé envers ce qu'on nous propose. Mais ça demeure un jeu qui m'a quand même surpris. J'ai eu plus de fun que je pensais en avoir avec Splatoon. Moi, je vais lui donner un 8/10. J'ai aimé ça. Oui, j'ai des réticences. Est-ce que c'est un jeu qui vaut 60$? Ça, je suis peut-être moins convaincu. Soit attendez une baisse de prix, quoi, qu'avec les jeux Nintendo, on peut attendre longtemps. Ou sinon, tu sais, si vous êtes capable de l'avoir un peu moins cher, je pense que vous allez retirer un plus grand plaisir, ou en tout cas une plus grande satisfaction. Mais c'est un jeu honnête, honnêtement, pour un premier jeu de tir de Nintendo. J'ai été surpris. Toi, Luc, de ton bord, côté notes? Ben, moi, je vais lui donner un 8.5. Fait que dans ta face, Carosella. Non. Ah, ouais, c'est ça. On est proche. Moi aussi, j'ai eu bien du fun avec Splatoon, même si, bon, les commandes au début, j'ai trouvé que la prise en main n'était pas facile, justement à cause de la sensibilité du gyroscope, des affaires de même. Mais les graphismes, c'est du bonbon. Là, je veux dire, on a l'impression d'être dans un. C'est vraiment un cartoon. C'est le fun tiré du. C'est tiré de la peinture partout, j'ai trouvé ça le fun. Juste la manière que les ennemis meurent, alors je plouche, puis tu sais, j'ai trouvé l'univers intéressant. Bon, j'imagine que peut-être Splatoon 2, ils vont avoir appris de ce qu'ils ont fait du premier Splatoon. Je trouve que c'est un beau début. Ça serait le fun si à un moment donné, peut-être, si Nintendo s'aperçoit que, bon, le mode multijoueur lève pas tant que ça, peut-être redonner quelques missions ou un autre niveau ou un autre section de la campagne pour jouer tout seul. Parce que, je veux dire, je trouve ça drôle parce que quand on a eu le jeu un peu d'avance puis tout ça, puis j'allais jouer, puis on dirait que quand que c'était juste les journalistes, chroniqueurs, blogueurs qui avaient le jeu, j'ai toujours trouvé du monde pour jouer en ligne. J'ai jamais eu de problème pour jouer en ligne. J'ai joué plusieurs parties en ligne, puis ça fonctionnait bien. Puis j'ai réessayé de jouer hier soir parce que justement, je savais qu'on faisait la critique aujourd'hui. Puis trois fois, je suis rentré dans le lobby, puis il a trouvé zéro personne. Ouais. Pas 7 sur 8 ou 6 sur 8 ou zéro. J'étais tout seul. Comment ça se peut? Je trouve ça bizarre. Je pense qu'il y a un problème il y a peut-être un petit problème d'optimisation de l'engin de recherche, là. Je sais que moi, il y a un soir, entre autres, qu'il y avait eu un tournoi d'organiser dans Splatoon, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de connexion. Puis pourtant, c'était pas ma connexion, là. Je veux dire, la connexion fonctionnait bien chez nous, mais ça arrêtait pas de me déconnecter. Des fois, ça ralentissait épouvantablement. Ça ralentissait tellement que je voyais même plus l'angle que je crachais. Fait que ça allait juste pas bien. Fait que, tu sais, il y a certains petits problèmes d'optimisation encore, mais ça, je vais leur donner le temps de s'ajuster. Ouais, mais c'est le fun, c'est coloré, c'est amusant, puis ouais. 8.5. Ouais. Bon, mais cool. Ouais. Toi, tu n'as pas joué. Non, moi, j'y ai pas joué. Ben non, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais vous parler d'un film coloré qui s'appelle The Voices. C'est l'histoire d'un gars acteur. Éric Lapointe, non? Non. Le pire, c'est que tu me dis avant le show, « Va te faire une joke de la voix! » Tu marques... Non, c'est non. Ryan Reynolds. Et non, qui ressemble un peu à Marc Dupré, peut-être. Un peu. Qui va faire Deadpool dans pas très longtemps. Et parlant de maladie mentale, parce que Deadpool est un grand malade mental, c'est un peu la thématique de The Voice. C'est Ryan Reynolds, son personnage, qui se nomme Jerry, qui vit dans une petite ville américaine, travaille dans une usine de confection de baignoires. Et tu sais, il fait des petits jobs manutentionnaires. C'est un célibataire. Puis, il y a sa psy. Sa psy, ben, elle est fine, elle est bien plaisante. Puis elle le suit. Puis, elle arrête pas de dire de prendre ses pilules. Puis, tu sais, il les prend pas vraiment, tu sais. Puis, ben, toute la vie est belle, tu sais. La vie est heureuse. Puis, il y a un petit kick sur la comptable, tu sais, Fiona. Tu sais, la petite anglaise comptable du bureau. Puis, à un moment donné, l'invite à aller prendre un café. Il la ramène chez eux. Et, accident de voiture. Et là, sa vie commence à déraper. Ce film-là est génial dans sa conception parce que c'est pas un film hollywoodien traditionnel. La réalisatrice, c'est Marjane Satrapi. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est une fille qui vient de l'Iran. Elle a 45 ans et c'est elle qui est derrière Persepolis, BD et film d'animation qui avait gagné, je pense, ou candidat aux Oscars il y a quelques années, en 2007. Et c'est elle qui est réalisatrice de ce film-là. Elle a passé par la France, l'Autriche, l'Iran. Donc, son background cinématographique, son approche du cinéma est complètement différente de ce qu'on a aux États-Unis habituellement. Et là, ben, elle a le budget d'un film américain. mais avec une approche européenne, plus film du monde, et c'est vraiment très le fun comment est-ce qu'elle fait ça. C'est un film qui se veut un peu noir vu la thématique, parce qu'on parle ici de tueurs en série, psychotiques, avec une maladie mentale, ben pas psychotique, non, parce qu'il ne prend pas ses pilules, fait qu'il n'y a pas de, il est pas psychotique. Maladie mentale, tueurs en série, et c'est funné à l'os, là. L'approche est vraiment très très drôle. Et l'approche est surtout drôle dans ce sens que le gars, ben Jerry, il a pas beaucoup d'amis. Il parle pas à grand monde, mais heureusement, il a son chat moustache et son chien Bosco qui jase souvent, puis il l'encourage, puis ils sont fous de chemin. Puis, sauf que son chat est un peu démoniaque, comme tous les chats de la planète Terre. Ouais, un chat, c'est clairement... C'est le mal incarné. Et lui, ouais, il est clairement le mal incarné. Tandis que Bosco, son chien, il est super chill, genre, you're a good guy, tu sais. Puis, t'es un bon garçon. Fait, continue à prendre les bonnes décisions, puis blablabla. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça. Accident de char, ça dérape. Il tue Fiona, et c'est tout le... Comment est-ce qu'il deal avec ça? Décide d'une journée de pas prendre ses pilules, et là, ben, il se rend compte que son univers est pas aussi rose et le fun que d'habitude. Il se rend compte de ce qu'il a fait, fait qu'il décide de plus reprendre ses pilules. Puis là, on va le suivre jusqu'à la finale de l'histoire. C'est vraiment une approche particulière. C'est un film avec une thématique tellement gore, tellement, et on voit tout. OK? Je vous le dis, là, démembrement, du sang, en veux-tu, en v'là. Et tout est fait comme sur un ton super joyeux. C'est un film qui est vraiment le fun. Thématique dark, mais vraiment le fun. Daniel, toi, entre autres, qui a un background psychologique en tant que criminel. Je me demandais où tu t'en allais, là. Non, mais tu sais, un background d'études en psycho, des choses comme ça. Ma blonde a un bac en psycho. Ben, elle a trippé. Tu sais, comment est-ce que la maladie mentale est traitée dans ce film-là. Pis ouais, mais attends, tu veux qui va plus traiter, quelqu'un qui a étudié en psycho ou quelqu'un, tu sais, moi je veux dire, j'ai pas vraiment étudié, ben j'ai étudié un peu en psycho, mais plus de langue criminelle, fait que... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que l'approche de la maladie mentale, au lieu de la voir de l'extérieur, puis d'interpréter qu'est-ce que la personne vit, là on est vraiment, ben c'est pas la première personne, là, mais on est dans la peau du personnage principal, qui, lui, a la maladie mentale. Fait comment est-ce que lui perçoit le monde? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il interagit avec les gens? Comment est-ce que son univers est construit? C'est ça l'approche qui est intéressante du côté psychologique du personnage. Et Ryan Reynolds, je sais pas... C'est pas toujours le gars qui se met dans les meilleurs films possibles. Je pense qu'il fait ça un petit peu pour le cash, plus que pour le plaisir de l'art. Et que des fois, il fait des choix douteux. C'est arrivé, genre Green Lantern, genre, tu sais, des films plutôt douteux, moyens, et il est fait pareil, tu sais. Ouais, Green Lantern, c'est pas tout de sa faute, puis faut dire une affaire aussi, il y a beaucoup de films que l'acteur sait même pas de quoi ça va l'air un coup c'est fini, c'est un peu... Non, c'est ça, il est mal tombé ou il fait des mauvais choix, c'est peut-être une combinaison de tout ça. Ben, c'est là, un peu comme Mad Max, c'est un peu comme Mad Max, je sais pas si vous avez vu, mais... Mad Max, bon, son nom m'échappe, le gars qui fait Mad Max, il était dans Batman aussi. Tom Hardy. Tom Hardy avait un peu critiqué le film, même avant de le voir, parce qu'à un moment donné, il disait, j'ai aucune idée, il dit, ça fait 2 ans qu'on tourne dans le désert, puis ça a l'air du gros n'importe quoi, puis il s'est excusé. En voyant le film? Au directeur, après avoir vu le film, il dit, garde, il dit, je te critiquais, là, il dit, mais c'est un chef-d'œuvre que t'as fait, là, mais il se sentait vraiment mal, mais pendant le tournage, c'est à l'aveugle. Il avait aucune idée, là. Fait que c'est un peu ça avec un film comme ça. Regarde Star Wars, quand ils ont tourné ça sur 90%, c'est des écrans verts. Qu'est-ce que tu veux que l'acteur. L'acteur sait rien. Il dit, swing ton sabre, OK. Là, il y a quelqu'un qui est censé être là, OK. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu peux pas nécessairement tout mettre le blâme sur l'acteur. Si le scénario est pourri, c'est pas de la faute de l'acteur, tu sais. Mais c'est ça que je disais, c'est que, tu sais, je sais pas si c'est une question de choix ou que le gars, il est mal tombé, mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il est vu comme un acteur moyen parce que sa filmographie est pas rayonnante, là. Tu sais, on s'entend, là. Ça, c'est clair. Il a pas filmé avec des Spielberg, des Scorsese, pis des affaires de même, là. Tu sais, on s'entend, là. C'est un gars qui a fait du grand public plus qu'autre chose. Mais dans ce film-là, le jeu d'acting, le jeu d'acteur est incroyable. Parfois, t'as des séquences où est-ce que t'as juste la caméra, tu y vois la face, là, pendant 2-3 minutes et tu vois les expressions, l'émotion qui voyage dans son visage de « je suis apeuré »,« ah, je suis en confiance », »,« oh, là, j'ai un flash, j'ai une idée », tu sais, vraiment, là, la gamme d'émotions qu'il est capable de présenter dans ce film-là, c'est incroyable. Quel jeu d'acteur. Fait que je suis comme plus confiant là, pour Deadpool, parce que c'est le même genre de personnage un peu mongol, un peu particulier. Puis qui va être, tu sais, j'ai comme plus confiance en son range d'acteur tout d'un coup, tu sais, grâce à ce film-là. C'est une belle découverte. Allez écouter ça. C'est avec Gemma Arterton. Puis Anna Kendrick, entre autres. C'est celle qui... Attends, le nom me dit quoi? Elle faisait, tu sais, le film là, sur Hansel et Gretel, avec oui, Reynolds. Là. Puis elle a joué dans Prince of Persia. Oui, aussi. Donc, elle... Ah, très bon argument, ça. Très, très bon argument. Et Anna Kendrick, que moi, je trouve adorable. Elle est à croquer, cette fille-là. Et donc, c'est vraiment cool. OK, pour vrai, allez écouter ce film-là. Moi, c'est vraiment une belle découverte. J'ai trippé sur le type d'humour. C'est pince sans rire, c'est le chat il est malade. Le chat il est juste malade. Tu sais, un moment donné, le jeu, tu sais, il s'assine avec Jerry puis le chien, puis à un moment donné, il dit au chien, toi tu mérites rien que de te faire frapper par un troc. Là c'est comme ah cool, tu sais, ça serait tellement une réplique de chat genre pour se débarrasser d'un chien, tu sais. C'est tout ce que tu mérites. Bon, fait que écoutez ça, ça vaut à peine 9 sur 10. Voilà. Bon, ah, hein. Ouais. Okay. Ben, sorti de nulle part, je m'attendais absolument à rien avec ce film-là, puis on a eu du fun, moi et ma blonde, à fond, on était crampé tout le long. J'avoue par contre que, tu sais, toutes tes récentes suggestions de films, à date, j'ai aimé ça. Depuis Man of Steel, là, j'ai tout aimé à date. Ok, on peut-tu revenir sur Man of Steel une fois non, pour toutes? Non. Non, j'en reviendrai jamais. Je veux crever l'abcès, ok? Là, on reviendra sur Man of Steel, mais qu'on fasse Batman v Superman. Ok. Ah, OK. Ça nous donne un an encore pour t'écœurer avec ouais, son... on se garde des munitions. Parce que moi, je vois un super-héros comme une base pour pouvoir faire une histoire. Tu peux faire un what-if, comme Red Son avec Superman, où est-ce que là, ben, au lieu de tomber aux États-Unis, il tombe en Russie puis il devient l'arme de l'armée russe. Oh, ouais. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Fait que pour moi, un film, surtout que tu connais pas le personnage, là, moi, Superman, c'est pas mon super-héros favori. Fait que qui tue Zod ou non, moi, ça change que dalle. Pour nous autres qui êtes des amateurs de Superman, qui tue Zod, cet homme a un crime contre l'humanité. Fait que ça déprécie votre amour du film. Pas moi. Non, mais je veux juste dire que ici, nous avons eu la preuve que JB ne nous écoute pas. On lui a dit de ne pas revenir sur Man of Steel, puis il l'a fait pareil. Oui, je le fais pareil. Ouais. Parce que quand Luc a dit ça va être dans un an, je fais comme ah, non, je le fais tout de suite d'abord. Non, mais c'est pas ça qui a fait que. C'est le fait que Superman ne se battrait jamais comme ça. À Metropolis. Ben, exactement. Mais moi, je connais pas le. Il amènerait l'ennemi à la lune dans un champ. Je connais pas le personnage. Fait que moi, ça affecte pas ma note. Ça devrait. Ben, non. Ton argument est caduque. Ça ne vaut rien du tout. Fait que Man of Steel, c'est un bon film d'action. C'est juste un mauvais film de Superman. Tu peux pas te baser sur Man of Steel pour partir la mythologie d'une nouvelle série de films. Ben, ça a l'air que c'est ça qu'ils ont fait. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Batman v Superman. Oui, le si. Trailer, la bande-annonce m'a pas mal accroché. J'ai hâte de voir ce que ça va être pour de vrai. Je l'ai pas vu, puis je veux pas en voir. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On s'en revoit dans un an, Superman. Ouais. Bon, Tomorrowland, Luc. Superman. Ouais. Un film de 4 secondes et quart. Superman clair. Prend sa vision du laser. Je fais juste apprendre que Superman brûle. M'en veut puis je t'explose. En parlant, comment ça va entre toi puis notre George ami Georges Saint-Pierre? Super, ouais. Chummy. T'as pas rien encore fait au cinéma de mal, fait que j'ai pas besoin d'en reparler. Là. C'est vrai, il n'y a pas ressorti rien. Non, hein. Je pense que j'ai assez tapé sur le clou pour qu'ils comprennent. Y compris sa carrière ailleurs. Ouais. Ouais, non, je pense. Alors, on se cherche un animateur pour réalité augmentée, car L'animateur actuel va disparaître dans des conditions assez mystérieuses. Va disparaître. Ouais, tu prévois ça déjà, toi? Le trépas. Ouais. Ben là, faut au moins que tu finisses le show, là. Fait que ouais, finis le show, puis tu vas disparaître. Bon, Tomorrowland, go, Luc. Oui, le monde de demain, ou nos amis français appellent ça à la poursuite de demain. Bon, ça se ressemble un peu, mais c'est ça. C'est un film qui, ma foi, est en production depuis 2008. Au début, notre personnage principal était supposé être joué par The Rock. Et Dieu merci, ils ont changé d'idée. Ça aurait été drôle de voir San Andreas et Tomorrowland avec The Rock au cinéma en même temps. Ouais, ouais. Ça aurait été spécial. Mmh. Mais bon, donc Tomorrowland, c'est avec George Clooney qui joue un des rôles principaux. C'est pas lui le personnage qu'on va suivre le plus, c'est plus Casey Newton, qui est joué par Brittany Robertson. Moi, je la connaissais pas vraiment. J'ai pas non plus regardé ce qu'elle a fait d'autre, là, mais c'est vraiment les deux personnages qu'on va suivre le plus. Ça, puis une petite fille de 12 ans qui s'amuse à chercher des gens à travers le temps pour leur donner une petite médaille, une petite pin qui leur permet d'aller à Tomorrowland ou le monde de demain. Donc, on commence vraiment l'histoire avec Casey, qui est une jeune fille, bon, rebelle, adolescente, là, même si dans la vraie vie, elle a 25 ans, je pense, qui, bon, se rebelle un peu parce que la NASA est en train de détruire ou d'enlever la plateforme d'où on lançait les navettes, parce que, bon, la NASA a décidé qu'il ne lançait plus de navettes, cette époque-là est révolue, puis elle, pour un peu se rebeller contre ça. À chaque nuit, elle va faire sauter les cartes maîtresses de toutes les grues qui sont supposées aider au démantèlement de cette plateforme-là. Et puis, elle s'en va là, elle fait sauter toutes les cartes, elle s'en retourne chez eux. Puis là, elle dort. Puis là, ils réparent le lendemain. Fait que le lendemain soir, elle y retourne à refaire sauter les cartes. Puis Monet va se faire arrêter par la police parce que, bon, à un moment donné, tu sais, quand ça se répète, tu dis, bon, à tous les soirs, quelqu'un vient ici pour scraper les grues. Peut-être que si on mettait un garde qui est un peu plus réveillé, il pourrait peut-être l'arrêter. Et c'est ce qu'ils font à un moment donné. On apprend aussi que son père est un ancien ingénieur de la NASA qui faisait décoller les navettes et tout ça. Puis à cause de ça, ben, il est en train de perdre son emploi. Il n'y a plus de job à la NASA parce qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que, bon, quand tu ne fais pas décoller une navette, un ingénieur qui, sa job première est de faire décoller des navettes, c'est plus ou moins requis. Donc, elle va recevoir, pendant qu'elle se fait arrêter tout ça, il y a notre petite extraterrestre, Athéna, qui vient lui donner une des petites médailles qui permet de voyager dans le temps ou de se déplacer ou de voir plus le futur à travers cette petite médaille-là. Elle le cache dans son linge et puis quand elle se fait arrêter... Là, ben, j'ai une petite question, Luc. Ouais, vas-y, fort. The Rock, là, c'était le rôle d'Athéna qui jouait ou... ouais, c'est ça. Mais finalement... La jeune fille. J'ai une petite fille de 12 ans. Non, The Rock était supposé jouer le rôle que George Clooney va jouer. Rigueur. Moins drôle ouais. À imaginer, c'est bon. Il joue la fée des dents, finalement, puis non. Fait que c'est ça. Donc, Casey se fait arrêter, se ramasse en prison. Et puis, parce que, bon, ils ont découvert que c'était elle qui faisait sauter les cartes des grues, nanana. Et puis, dans ses affaires, quand le policier redonne ses choses, il donne une petite médaille. Il dit, on a trouvé ça, plus une médaille, tout ça. Puis là, elle ramasse ses affaires, puis elle regarde la médaille. Elle dit, ben, c'est pas à moi, ça. J'ai jamais eu ça. Il dit, ben, c'est dans tes affaires, fait que c'est à toi. Aussitôt qu'elle touche à la médaille, elle voit autre chose. Aussitôt que tu mets cette médaille-là entre tes doigts, tu y touches, tu te fais transporter, mais c'est plus une vision dans le monde du futur. Fait que là, elle est dans un champ de foin, puis au loin, il y a ce qui ressemble un peu bizarrement au château de Walt Disney, parce que c'est un film de Walt Disney, vraiment dans le futur, puis il y a des voitures volantes et toutes ces choses-là. Fait que là, elle voit ça, puis là, elle est toute comme « Hmm! » C'est là, elle relâche la médaille, elle revient au poste de police, elle retouche la médaille, puis là, elle s'aperçoit qu'elle est ailleurs, puis là, elle se met à marcher, puis le moment, elle se ramasse, elle se cogne le front contre un mur, parce que ce que tu vois et où tu changes pas de place, c'est juste que ça envoie à ton cerveau les visions de ce monde-là. Fait que là, à un moment donné, elle ramasse ça, là, son père vient la chercher en prison, fâché, puis là, il dit, ah, bon, je peux pas croire que tu fais ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il dit, papa, faut que tu touches à ce médaille-là. Puis son père arrive pour toucher la médaille. Non, tu touches pas à la médaille pendant que tu conduis, arrête tout sur le bord, il touche, là, il arrête, il touche à la médaille, puis lui, il voit rien. parce que la médaille est signée avec l'ADN de la personne qui est supposée la recevoir, donc juste cette personne-là qui voit la médaille. Puis là, il y a une scène assez drôle où elle s'en va, à un moment donné, à Stan, elle ramasse la médaille. Elle s'en va, puis elle s'en va dans un champ où elle frappera pas un mur, puis là, elle prend la médaille dans ses mains, puis là, elle expérimente vraiment le monde de demain, ce monde-là. Fait que là, elle marche. Puis à un moment donné, elle regarde derrière la médaille, puis il y a une espèce de temps qui s'écoule. Puis c'est 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Puis là, ça descend. Puis à un moment donné, quand ça approche le 0 seconde, là, elle s'aperçoit qu'elle marche, puis là, elle a de la misère à marcher, c'est comme plus pesant, puis là, elle comprend pas trop pourquoi. Puis à un moment donné, la médaille arrête de faire effet, puis elle est en plein milieu d'un lac, parce qu'elle continue à marcher dans son vrai monde à elle, en voyant le monde qui est comme superposé sur ses yeux. Un peu comme si on marchait avec un Oculus Rift dans la rue. Puis tu te ferais frapper par un autobus. Dans ce cas-là, ben, elle était dans un champ. Puis là, elle s'aperçoit que c'était juste une vision. Puis là, mais elle est hantée par cette vision-là. Puis elle se dit, est-ce que ce monde-là existe vraiment? Puis là, elle va faire des recherches à savoir qui lui a donné la médaille, pourquoi. Puis là, elle va rencontrer du monde qui savent c'est quoi cette médaille-là et qui veulent savoir qui lui a donné. Puis on s'aperçoit que c'est des espèces de robots humanoïdes qui veulent vraiment pas qu'elle découvre c'est quoi le monde de demain et tout ça. Elle va, à un moment donné, se rencontrer la jeune fille qui a donné la médaille, qui est Athena, qui avait donné la médaille en cachette, et puis là, qui va y présenter George Clooney, qui vont, comme on a vu dans la bande-annonce, ils se font attaquer, puis là, il faut qu'ils se sauvent dans le bain pour partir vers le futur. Ils s'en vont pas vraiment vers le futur, là. On va découvrir que dans le monde qu'on connaît, il y avait des visionnaires qui essayaient de créer ce monde-là, qui est un monde parfait pour que les humains puissent vivre dans ce monde-là un jour, et puis que finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que ce monde-là existe, mais pas vraiment dans l'état qu'on voit dans la médaille, parce que la médaille, finalement, c'est comme une bande-annonce, c'est comme une publicité qui avait été créée, qui faisait expérimenter ce monde-là aux gens. Puis que ça durait juste 2 minutes, d'où le 2 minutes qui avançait derrière la médaille. Et puis, les gens ont décidé d'arrêter le projet, que ça fonctionnait pas. Et puis, le but de Casey, ça va être de faire que ce monde-là revive ou revienne et soit réel avec George Clooney. Mais ils vont rencontrer des embûches, du monde qui ne veulent pas que ça arrive, du monde qui essaie de faire à croire au monde qu'on est dedans, finalement. Que tout va mal et d'essayer de faire comme admettre aux gens que la fin est proche. Puis que c'est vraiment une critique un peu sociale de tu sais, pourquoi il y a des ouragans, pourquoi que tout va mal, pourquoi qu'il y a des du monde qui meurt. Il y a une ligne vraiment savoureuse dans le film où quelqu'un dit: vous avez deux plaies sur la planète présentement, l'obésité et la famine. Puis là, il regarde en disant: c'est deux choses qui vont pas ensemble. Pourquoi que t'as du monde qui sont obèses et que leur plus gros problème, c'est qu'ils mangent trop, puis t'as une autre partie de la population qui mange pas 3 repas par jour? Ça devrait, tu sais, ça, c'est un non-sens. Fait que c'est un peu une critique sociale du monde dans lequel on vit, puis c'est un peu vers un monde utopique qu'on essaie d'aller. Mais là, je vous laisse découvrir, si vous allez voir le film, je vous laisse découvrir un peu où ça s'en va et tout ça. Mais c'est très intéressant. Il y a certaines technologies qu'on voit dans le film qui, c'est vraiment intéressant. C'est probablement peut-être quelque chose qui va exister dans le futur. On mélange, oui, c'est du Disney. La première fois qu'on se rend dans ce monde-là, c'est à l'expo universelle de New York en 1964. Puis on voit l'espèce, ceux qui ont été à Disney vont s'en rappeler, l'espèce de It's a Small World, là, avec la chanson qui joue en boucle tout le temps. On l'a dans ce film-là. C'est vraiment intéressant. On voit que c'est du Disney tout craché. Quoique, ma petite réticence, puis c'est mon gars qui nous l'a fait remarquer, il dit: papa, ça peut pas être un Disney, ça. Il dit: il y a plein de monde qui meurt. Et puis c'est vrai. À un moment donné, je pensais regarder Man in Black parce que ça se tire dessus à un moment donné. Puis les robots qui essaient d'arrêter les humains de découvrir ce qui se passe un peu vont tirer sur un humain, puis ça va partir en chplouche. C'est un peu comme Splatoon. Si tu pars en angle bleu, puis que je pensais que je regardais Man in Black à un moment donné. Mais c'est un film intéressant, c'est un film qui va vous surprendre par bout, qui va vous émerveiller par la beauté du monde qui pourrait être, de la technologie qu'on a, de la facilité dans un futur peut-être pas si lointain de partir dans l'espace pour une fin de semaine ou pour une sortie scolaire, comme on voit un peu dans le film à certains moments. T'sais, puis de t'sais, la réticence de certains humains à vouloir ça, l'appât du gain qui va faire que tu es plus intéressé par ton toi que le bien commun des autres alentours de toi. Fait que c'est un peu une critique de ce côté-là. Mais c'est un film qui est magnifique visuellement. Il est pas moi, je l'ai pas vu en 3D. J'ai pas vu s'il se faisait en 3D. Je suis pas certain qu'il se fait en 3D, ce qui serait surprenant pour un film de Disney en 2015. Mais c'est bien réalisé. C'est intéressant. Je sais qu'il y a des critiques qui sont bien, bien différentes. J'ai du monde qui me disent que c'est excellent. J'ai du monde qui ont dit que ça valait même pas la peine d'être vu. Moi, je vous dis, si vous êtes... C'est pas un grand film. C'est pas le film à voir. C'est pas rempli d'action. Mais je pense qu'il y a assez d'éléments intéressants dans ce film-là pour qu'il vaille la peine d'être vu. Fait que je vais quand même y donner un 8. Parce que moi j'ai embarqué. C'est peut-être le côté technologique, le côté de voir un monde quasi parfait à un moment donné. Parce que quand on est dans le monde qu'elle voit dans sa petite bande-annonce, là, c'est un monde parfait. Tout le monde est poli avec tout le monde. Le monde, l'univers est propre. Les gens sont gentils. Tu sais, ça tient la porte pour les autres. T'sais, c'est un monde un peu utopique que tu vois pas quand tu vas au centre-ville de Montréal puis que la personne en avant de toi, le trois quarts du temps, va laisser la porte se fermer dans ta face. T'sais, fait que c'est vraiment... C'est un bel univers. J'ai trouvé ça intéressant de la manière que c'est présenté et de la manière aussi que le film va se dérouler. Puis l'acting est bon, c'est intéressant. Les personnages sont quand même attachants. Il y a des bouts vraiment drôles, il y a des bouts un peu plus tristes. Moi, j'ai trouvé que c'était, dans l'ensemble, un bon film. Fait que j'y donne un 8. Est-ce que c'est obligatoire de le voir au cinéma? Non. C'est peut-être un meilleur film de voir ça tranquille chez vous. Dans le confort de votre salon. Ça va faire un bon petit film de samedi soir avec un popcorn qui coûte pas 30$. Mais je vous le conseille fortement. Mais il y a plein d'autres films au cinéma présentement. Là. Moi, c'est mon fils qui voulait absolument aller voir ça. Puis finalement, il a trouvé ça correct. Mais il y a des longueurs pour les enfants. Là. J'entendais pas mal d'enfants dans la salle à un moment donné. Quand ça commence à vouloir changer de place puis à faire d'autres choses parce qu'ils ont décroché. Ouais. Fait que c'est un peu ça. C'est pas nécessairement un film pour les jeunes enfants. Mais c'est très bien tourné. C'est intéressant quand même. Fait que c'est vous qui décidez. Mais j'attendrai peut-être quand même pour le voir à la maison. Bon, ben, parfait, ça. Ça fait le tour de nos sujets pour l'émission normale, parce que là, on s'en va dans une zone pas habituelle, pas normale, avec William pour parler de Web Télé. On accueille William et Monganette pour la chronique des Web Télé, la chronique des Web Télé. C'est le jingle qu'on réutilisera jamais pour cette chronique. Salut, William! Je suis même plus sûr que j'ai le goût de continuer tout d'un coup. Là. C'est terminé. Merci de ton passage. Tu viens de détruire mon envie de vivre. À ce point-là, t'es bien méchant. J'étais tout heureux de t'accueillir. Là, toi, tu me dis tes méchancetés. Oh, wow! C'était fantastique. J'en ai encore des frissons dans le dos. Ouais, je sais. Bon, Web Télé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. William, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec toi? Rien. Okay. J'étais en fin de session à l'université, c'était un petit peu rough. Mais là, j'en ai fini! Yeah! On est des hommes libres! Ben moi, j'ai une session d'été, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, chanceux, toi, moi, pas. Toi, t'es bizarre. Allô, j'aime me torturer, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, je pense que ça peut rentrer dans le sadomasochisme. Ouais. Mais bon, j'en ressors gagnant. En tout cas, je fais ça, j'ai des motivations. C'est bon. OK. Web Télé, de qui qu'on va parler cette semaine, William? Aujourd'hui, on va parler du roi, du king of the YouTube francophone. C'est de l'anglais, tu peux pas comprendre. Non, je sais. C'est-à-dire... Ben, on va commencer un par un ou... En fait, l'amener les deux, puis après on va revenir, puis on va retourner. Commencer avec Cyprien, okay. Qui, si vous avez entendu parler d'un YouTuber français au cours de votre vie, c'est probablement lui. Et ensuite, nous allons enchaîner avec Axolotl. chaîne spécialisée dans... L'incroyable. L'incroyable et l'étrange. Le merveilleux. Le pas supposé. Ouais. Exactement. Oui, qualificatifs qui peuvent... te démaler. Exactement. Chaîne que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, on y reviendra parce que là, je veux que tu me fasses découvrir. Oui, oui, j'avoue. Tu me fais découvrir Cyprien. Je le connais pas. Lui, c'est 7 279 283 abonnés. Puis moi, on est totalement inconnus. Moi, je le connais pas en tout. Fait que là, faut que tu me le fasses découvrir. Qui c'est que c'est, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis pourquoi il est sur YouTube, puis pourquoi que ça fonctionne, son affaire. Bon, premièrement, laisse-moi te dire que t'es bizarre. Yeah, I know. Parce que, comme tu l'as dit, 7 279 000 abonnés environ, là, on va comme arrondir un peu. C'est le plus grand YouTuber de la francophonie au complet. J'aime ça que tu parlais de dire, c'est le plus grand Cyprien. Probablement, probablement. Ouais, au moins 6 pieds 2, sinon... Et on s'entend que quand on parle souvent de la difficulté d'un Québécois à se lancer sur YouTube, ben à 7 279 000 abonnés pour Cyprien, il faudrait que chaque habitant du Québec soit abonné à une chaîne. Vous êtes un fœtus, vous n'êtes pas nés encore, vous le connaissez et vous aimez, vous êtes abonné à la chaîne de Cyprien au Québec. Ouais, exactement. Tu sais, Cyprien en France là, c'est une vedette là, c'est une personnalité connue là, fait partie de la scène publique là en France là, c'est autant qu'un artiste, qu'un chanteur ou quoi que ce soit d'autre là, c'est vraiment à ce point là. C'est sûr qu'il y a l'avantage d'être un des premiers à avoir fait ça. Il a commencé comme dans le sous-sol avec ses amis il y a trop vraiment longtemps là, sur c'était même pas sur YouTube dans ce temps-là, c'était sur d'autres chaînes. Il y a des vidéos qui racontent juste raconter son histoire à lui. Donc je vais vous laisser chercher ça un peu par vous-même, puis je vous ferai pas toute son histoire. Mais il a commencé à se lancer tout seul depuis environ 6 ans. Ses vidéos sur YouTube sont répertoriées depuis 6 ans et c'est des petites vidéos d'à peu près 5 minutes maximum qui avec un sujet différent à chaque fois. Exemple, le café. Un autre vidéo, c'est le mariage homosexuel. Un autre, c'est je déteste. Et c'est un peu un numéro de stand-up comique, comme on pourrait les connaître chez nous, là, si tu veux. OK. Fait que c'est vraiment... T'sais, c'est sûr qu'ils misent plus sur l'humour, mais pas de l'humour vraiment... C'est quand même bon enfant. Ce qui fait que... Je pense que ce qui fait qu'il a pogné tant que ça, c'est que tout le monde, toi, moi, n'importe qui, peuvent s'identifier à lui parce que c'est quand même le gars d'à côté de chez nous, tu sais, avec un accent français. C'est vraiment ton voisin, il est... Ouais, ben j'habite en France d'ailleurs. Non? Ouais, non, c'est ok. Non, mais. Fait que là, il aborde quand même des sujets touchés. Là. T'as parlé de mariage homosexuel. On sait qu'il y a quand même des réglementations qui sont différentes en France du Québec. Moi, j'ai des amis français qui sont d'ailleurs pas nécessairement d'accord avec les réglementations qui sont en place. Le gars. Est-ce qu'il critique de la société? Est-ce qu'il vise l'avancée ou il est... Ben en fait, tu vois, c'est pour ça, il fait juste raconter l'histoire du mariage homosexuel de sa cousine. OK. Où il est allé, dans le fond. Puis, bon, tu sais, il fait des petites blagues là-dessus puis tout ça, mais... Il se positionne pas. Ben, il se positionne pas en même temps, il est pas choqué de ça, au contraire, il prend ça, tu sais, il prend ça très bien, puis il fait une vidéo là-dessus en disant que c'est sa cousine, puis que, tu sais, je veux dire, il se positionne pas, mais tout le monde connaît sa position. Ouais, il est clairement pas en train de dénoncer, là. Exactement, tu sais. OK. Et c'est exactement... c'est de l'humour, le gars il est geek aussi, fait que ça prend souvent un petit côté geek, techno, auquel on s'identifie, tu sais, veut pas. D'ailleurs, il s'est lancé dernièrement dans le court-métrage, si on veut. OK. Fait qu'il a fait un petit court-métrage de 11 minutes 44 exactement qui s'appelle Technophobe, qui est encore une fois très intéressant. Le gars, il a du talent. Le gars, là, il a beaucoup de charisme. Il a une façon de communiquer les choses qui fait que tu t'attaches à lui rapidement et que son humour est accessible à tout le monde. Donc, je pense que c'est ça qui a fait son succès. Puis, je veux dire, quand même que je l'aimerais pas puis que je dirais qu'il est pas bon, ben je pense que le fait qu'il y ait 7 219 000 abonnés, ça parle tout seul, tu sais. Oui, c'est assez vendeur déjà en partant. Mais, tu sais, je veux savoir aussi, y a-t-il une distance, nous autres, on est au Québec, là, notre réalité est différente, le style d'humour, ça va-tu fonctionner, ça va-tu marcher, ou parce que toi, t'es un weirdo qui écoute Antoine Daniel dans tes parties de Noël avec ta famille qui fait que t'aimes Cyprien, tu sais? Je veux comprendre. Je veux comprendre si ça va fonctionner au Québec, si n'importe qui dans nos auditeurs va pouvoir apprécier. Je te dirais que ça dépend un peu lequel, parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, je veux dire, s'il parle d'une série télé, ben je veux pas. Tu sais, les mêmes séries télé qu'on a ici, ils écoutent des séries américaines aussi. Tout ça, c'est accessible à nous. On va tout comprendre. Je te dirais que là où certains sketchs vont être un peu plus durs, c'est mettons. Celui où ce qui critique Sofiane dingue de toi de Nabila. Ben, si tu sais pas c'est qui Nabila. Connais pas. Aucune idée c'est qui. C'est ça, c'est comme. Je pense que, d'après moi, parce que j'ai fait quelques recherches, puis il en parle souvent dans d'autres vidéos, c'est comme la gagnante d'une espèce de Star Academy français, tu sais. Okay. Ou plus d'un Love Story français. Ah! Je sais que moi, j'ai vu des vidéos d'une fille qui était dans un genre de love story et qui disait « Ouais, mais si nous, la Lune est ici actuellement, c'est parce qu'il y a une deuxième Lune en Amérique du Sud, là, ça peut pas être la même, blablabla. » Je sais pas si c'est elle, mais c'est le genre de... Puis elle comprenait pas que la Lune bougeait là, autour de c'est la planète. Sinon, il y a Cyprien répond, mettons, à Cortex. Cortex, que, bon, après avoir fait des recherches, puis vu que j'écoute beaucoup de séries télé, pas de séries télé, mais de chaîne YouTube, puis à un moment donné, ça s'entrecroise. Dans le fond, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est un hater qui fait des vidéos et qui, dans le fond, insulte à peu près tous les podcasteurs et les YouTubers populaires. Donc, veux, veux pas, ils ont tous fini par avoir être fauchés après, puis avoir... Ouais, c'est ça. Donc, ils ont... une voyelle. C'est ça, je vais prendre. Il y en a 27. Mais. Ça, c'est des lettres. C'est 26. En tout cas. Ah, oh, c'est. Pas grave. Des références à François Pérus. c'est ça. Sinon, à part ça, je te dirais que. Tu sais, c'est toutes des affaires qui sont très. Accessibles à tout le monde. Juste, il a fait une parodie de pub pour l'Apple Watch. Ouais. C'était vraiment hilarant, là. Écoute, va vraiment falloir que j'aille l'écouter. Puis parce que ça nous met sous le nez exactement tout ce que tout le monde pense de l'Apple Watch. Mais ça le fait. Je trouve que souvent, au Québec, on est quand même relativement critique envers les Français. Ouais. Et particulièrement l'humour français. Ils sont souvent en train de parler avec du monde qui sont pas vraiment là. Et j'ai même déjà j'ai déjà dit moi-même, tu sais, genre, ah, oh, moi, l'humour français, je trouve pas ça drôle. Tu sais, moi, je suis pas, tu sais, les humoristes français, bah, c'est pas vraiment mon fort. Et pourtant, j'écoute plein de séries humoristiques françaises. En fait, je pense que j'ai juste comme pas tombé sur les bonnes choses parce que Cyprien, moi, je le trouve drôle. Tu sais, okay. C'est... Ben, en fait, t'es tombé sur les bonnes choses, d'abord. Si t'étais tombé sur les mauvaises choses, t'en es plus. Là, à cette heure, j'ai tombé sur les bonnes choses, mais avant, j'ai dû juste pas voir les bonnes choses pour juger comme ça. Parce que le maudit français de tous les gars-là d'humour de juste pour rire, moi, me fait pas rire, là. 90% du temps. Exactement, puis je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que je trouve bizarre, parce que je me suis dit, tu sais, je commençais déjà avec une espèce de recul. Je me disais, ah, moi, l'humour français, ah, j'ai de la misère. Et pourtant, je pense que j'ai regardé à peu près toutes les vidéos qui ont de Cyprien sur YouTube là, et il y en a que j'ai regardé plusieurs fois là. Tu me poses toujours la question avec laquelle tu proposerais de commencer là. Ouais, si j'ai une vidéo à recommander pour vous convaincre de l'écouter, ce serait les réunions. Où dans le fond, il essaie de voir comment ça se passe dans les réunions, par exemple chez Apple, chez Facebook, chez Twitter. Et c'est vraiment des mini-sketchs qui sont mis comme back-à-back. Bon, il y en a qui sont là aussi, qui ont un petit décalage. Par exemple, mettons, quand il fait des sketchs de chaînes télé qu'on connaît pas parce que c'est des chaînes télé françaises, mais je veux dire, c'est pas ouais. dur de s'imaginer de quoi il parle, tu sais. Ouais, de faire un équivalent, genre au Québec, ce serait ça qui ferait ça. Là. C'est ça, exactement. Tu sais, il fait des jokes, mettons, de compagnie, des fois qu'on connaît un peu moins, mais tu sais, là, tu comprends que c'est une compagnie de cellulaire, là, c'est facile parce que. Qui vient de plus au Québec, il va capoter. Plus c'est différent, puis plus c'est pareil. Fait que je veux pas. Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute celui-là avec ma blonde. Là, on rit à chaque fois. Puis le bêtisier, il est sûrement aussi drôle que les vidéos. Donc, moi, je vous dis de commencer par celui-là. Ou même, comme je vous ai dit, la parodie de pub Apple Watch, parce que c'est quand même. On en parle présentement de l'Apple Watch, là, fait ouais. que je trouve ça très intéressant, puis d'après moi, je suis pas mal sûr que ça va vous convaincre. Écoute, tu nous parlais de la vidéo qu'il a faite sur Nabila, où est-ce qu'elle critique, puis je suis en train de regarder c'est quelle vidéo qui a le plus de vues, puis elle est à 19 millions de vues. Ça fonctionne, c'est une de ces vidéos qui a le plus de vues, t'as les geeks qui est à 20 millions. Écoute, c'est des chiffres effarants. 20? Millions, ça imagine. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Mais tu sais, tout ça pour dire que nous, on la connaît pas, mais là-bas, en France puis en Europe, ben il y a qu'à l'aise parce que la vidéo a pogné. T'sais. Ça avait été une pure inconnue, il n'y aurait pas tous ces clics-là. Ah non, c'est ça. Là, non, le monde la connaisse en France, c'est juste que ça n'a peut-être pas vraiment dépassé les limites de la France pour ce... Tant mieux. On a assez notre, ouais, c'est ça. Notre boîte de notre bar, là. Mais tu vois, en plus, on est seul des autres, là, hey, tu sais. Le Cyprien répond à Cortex, comme je te disais, il y a 31 millions de vues. Oh boy! C'est incroyable. Là. Mais lui, c'est Cortex. Comme ouais, la... non, mais c'est parce que j'ai vu des vidéos de ce gars-là aussi, puis c'est vrai que c'est un... Ah ouais, ok. Ben, je sais pas si j'ai le droit de dire ça dans ton podcast. Non, là. Non, dis pas ça! Ben, on comprend ce que tu veux dire. Il est pas gentil. Ok, il est pas fin. bon, ben écoute, deuxième web télé, je pense qu'on peut y aller avec Axolot. Oui, Axolot, source d'étonnement de son sous-titre, fait par Patrick Beau, B-A-U-D, ça doit dire Beau. Bon, il est cute, là, c'est correct, on a compris. Je le trouve tellement beau! Ah, il est cute, ah, il est... Non. Genre de joke qu'il a dû entendre comme... Ah, regarde, 12 millions de fois dans sa vie, là. Bon, ok, source d'étonnement, c'est quoi sa chaîne, c'est quoi le principe? Dis-nous ça. Ben, sa chaîne, dans le fond, va rencontrer, va parler d'un thème aussi à chaque vidéo, mais c'est tous des thèmes, tu sais, là, ceux, quand tu regardes dans la catégorie insolite du journal, là, ben, lui, ça, c'est sa spécialité, là, tu sais, ça peut être n'importe quoi, des fois, ça peut être plus ou moins vieux. Mais, par exemple, il y a l'île la plus étrange au monde. Ben là, il parle des îles qui sont vraiment bizarres. Mais c'est toujours... C'est fait de façon professionnelle, pas juste... Hey, la qualité est top, là. Pour vrai, là. C'est ça, là. Tu sais, c'est pas non plus du Allopolis, là, tu sais. Non, ouais. La recherche, puis, tu sais, caméra, le son, tout... Écoute, c'est calibre télé. Le gars, je sais pas c'est quoi son équipe qui en a hier, là, mais... Pour vrai, c'est solide. Là. Ah oui, puis c'est toujours intéressant. Et justement, tu sais, vu qu'il va pas nécessairement parler de... Justement, tu sais, là, il a rencontré des extraterrestres et se dit, non, tu sais, ça, on s'en fout, là, ça, c'est juste comme de la merde souvent. Ben lui, c'est toujours recherché et tu sens qu'il te prend pas pour un cave non plus, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est comme... Tu sais, il y a comme un projet global, le gars... Puis la chaîne YouTube, c'est comme pas sa priorité. Moi, j'ai été comme déçu de voir le nombre de vidéos, là. Y en a 9, 10, 11... Bon, 11 vidéos, là. 12, en fait. C'est pas beaucoup. Et pourtant, on en parle. Parce que ouais, mais sur les c'est de la qualité, 12, mais... Sur les 12, il y a un teaser de son livre. Ouais, en plus. Et il y a une FAQ. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos et malgré tout, on en parle. Ça veut dire que c'est marquant à ce point-là. Il oui, compense moi, le nombre par la qualité. Mais moi, je le connaissais avant ses vidéos parce qu'il a commencé en faisant un blog. Donc, il y avait beaucoup d'articles comme ça là, qui parlaient soit d'une personnalité étrange ou d'un top 10 des créatures extraordinaires, etc. Ensuite, il s'est lancé sur, sur YouTube. Et si je me trompe pas, il y a... Il y a un livre et il y a une bande dessinée aussi qui s'appelle Axolot. La bande dessinée s'appelle Axolot et le livre s'appelle L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement. Ça fait un job, hein? Exactement. Je veux dire, pour faire un livre, puis pour faire une BD, puis se lancer partout comme ça, puis que ça marche. Partout, écoute, il y a même un autre livre qui est en vente sur Amazon à 10 euros. 20 inconnus au destin hors du commun dont vous n'avez jamais entendu parler avant. Ça, c'est le titre du livre de Patrick Baud, Baude, en tout cas. Ben, on le sait pas, mais tu sais, tout ça pour dire que le gars, tu sais, la chaîne YouTube, c'est comme un plus, c'est un agrément de plus, mais c'est pas le centre de ses activités, c'est plus que ça. Ouais, exactement, mais en même temps, c'est pas un à côté non plus, là. Il va pas genre, il met pas moins de temps sur sa chaîne YouTube, je pense, dans le sens que c'est quand même travaillé puis de qualité, là. Non, exact. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement de cette chaîne-là? On a parlé du plan technique, mais tu sais, en termes de sujet, y a-t-il un sujet qui t'a comme plus accroché? Je le sais pas. Honnêtement, y a toujours quelque chose qui me fascine dans chacune de ces vidéos que je fais comme « Ah, ben non, ça a pas de sens, là. » Tu sais, non, honnêtement, je pourrais même pas conseiller une plus qu'une autre parce que j'ai l'impression qu'ils sont toutes ils t'apprennent toutes quelque chose que t'as jamais entendu, c'est sûr. Ben, moi, je conseillerais la dernière qu'il a fait, c'est d'ailleurs sa plus longue, 16:55, Memento Mori. En fait, il parle des rites mortuaires les plus particuliers à travers le monde. Et ma blonde, à l'université, a pris un cours justement sur les rites par rapport à la mort. Et il y en a décelé qu'elle avait même pas étudié dans un cours universitaire. Puis non, mais tu sais, tout ça pour dire la qualité là, de recherche qu'elle fait. Puis t'as les images, puis tu sais, c'est pas évident, là. C'est pas facile à voir ces images-là. Mais il l'amène tellement de façon... c'est respectueux, c'est pas fait pour... checklist, ils ont donc bien bizarre. Non, tu sais, le but, c'est comme si... C'est l'encyclopédie que t'es en train de se raconter, genre. Oui, mais c'est ça. Puis, faut dire, c'est ça. Il n'y a pas de... Non, c'est pas humoristique, là, comme chaîne YouTube. Souvent, on parlait, mettons, de Karim Debbache ou même le Fossoyeur de film où il y a un petit côté humoristique. Ben, lui, c'est vraiment... Il parle de façon sérieuse, pas non plus de façon académique et ennuyante, là. Tu sais, le gars, il sait comment raconter une histoire, puis ça marche. Il a fait plusieurs collaborations avec Bruce de la chaîne Y Penser. On reviendra d'ailleurs à cette chaîne-là, j'adore, qui parle de science. Et ils ont collaboré plusieurs fois ensemble. Et c'est là qu'on voit que le gars est capable de se déchaîner un petit peu plus, mais il a trouvé sa niche. Il y a personne qui explorait le fantastique de façon sérieuse. Fait que lui, il est allé là-dedans. Mais tu sais, le gars, c'est un bout en train. Il est capable de joker aussi. Là, oui, il a fait aussi une collaboration avec le Fossoyeur de film, justement, oui. Sur les mythes du cinéma, je pense. Oui. C'est là qu'on se rend compte que un moment donné, tout le monde s'entrecroise dans ce milieu-là, on dirait. Hey, on est-tu comme en train de faire pareil, nous autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme que deux podcasts différents, genre, ouais, ça s'irait ensemble? Puis on non, fait des chroniques. Non, ce serait pas notre genre de faire ça. On ferait pas ça, certain. On va être trop chier les uns vers les autres. Tout le temps en mode chicane. Ben oui. On se déteste. sinon, ben, donc moi, c'est clairement la vidéo que je dirais aux gens d'aller voir en premier. Mais celle sur les fakes m'a aussi beaucoup impressionné parce que moi, je suis un tripeux d'histoire. On est de même, là. On a tous les deux cette passion-là. Et quand il a parlé de la fausse armée britannique là, dans la Deuxième Guerre mondiale, je capotais. J'étais flabbergassé. Voyons donc, ça se peut, puis c'est tout vrai là, ce qu'il raconte. Là. C'est ça. Mais tu sais, il y a comme son émission Axolot, qui est numérotée, mais aussi il en a fait un autre qui s'appelle Étrange Escale, où il y a juste un épisode, puis ça se passe à New York. Puis dans le fond, il visite New York et nous montre des choses étranges de cette ville-là. Puis même là, tu sais, alors que c'est pas un sujet qui va peut-être. Que je vais pas aller rechercher des informations là-dessus. Il sort des affaires, puis je fais comme « Ah, ouais, voyons donc, genre, ça me jette à terre, puis... » Des faux immeubles à New York. Exactement, tu sais, c'est... Il sait aller chercher la chose qui va nous intéresser. Non, il y a pas vrai... Moi, c'est top qualité, là, c'est... comme je disais, c'est plate qu'il n'y en ait pas plus. C'est le genre de truc que moi, j'en prendrais une. Tu sais, à chaque jour, je revois ma petite vidéo d'Axolot puis je capoterais. Là, s'il ouais, y avait ouais, du contenu hebdomadaire. Ben, je suis d'accord avec toi. Ça, la dernière, il a sorti il y a un mois. L'autre avant, il y a 5 mois. Ça fait pas un gros ratio quand même. C'est un peu dommage, mais en même temps, on peut pas y reprocher non plus. Je sais pas ce qu'il fait dans sa vraie vie comme professionnel, parce que... Je sais pas, moi j'ai l'impression... J'aimerais le rythme. J'aimerais qu'il augmente le rythme, mais en même temps, il y a une vie, là. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme vrai métier, parce que, oui, il y a beaucoup de vues, mais avec 12 vidéos, ça m'étonnerait qu'il puisse vivre de sa chaîne YouTube. Mais je sais qu'il est aussi demandé sur des émissions de radio, des choses comme ça. En France, le... Internet est beaucoup plus incorporé aux médias traditionnels qu'ici. Malheureusement pour nous, ben je veux dire, on est en retard un peu au Québec par rapport à la France là. Même il y a des chaînes télé qui prennent directement des sketchs pour les mettre à la télévision. Ah, nous autres on fait rien que ça avec Google Maps, la météo. Wow. Donc ben c'est ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Non, je me demandais où est-ce que tu t'en allais, là. Ben, avant de quitter ou... Non, pars pas! Va-t'en pas! Tu t'en vas, sans doute! OK, ça avait commencé avec une mauvaise toune. Ça finira pas avec une mauvaise toune. Non, je t'interdis de chanter. Mais je voulais juste faire un petit segment actualité. Mm-hmm. Parce que on a parlé du joueur du grenier il n'y a pas longtemps. Oui. Et je voulais juste signifier qu'il a fait une nouvelle chaîne à lui qui s'appelle Bazar du Grenier. Parce que je pense qu'on en avait parlé, je suis plus sûr, là, c'est loin, là, mais je pense qu'on avait parlé vaguement, mais c'était pas encore sur pied. Mais maintenant, c'est sur pied, donc on en parlera peut-être un jour, mais je voulais juste signifier qu'elle était là, elle existe. Et qu'il y a aussi Antoine Daniel qui a fait une nouvelle chaîne qui s'appelle La Mezzanine. OK. Où là aussi, il va mettre tous ses projets qui n'ont pas rapport avec son... Il y a une thématique, troisième étage d'une maison, là. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit dans sa vidéo de présentation. OK. Je l'ai pas vu, mais... Je peux pas prendre le grenier parce que le joueur du grenier l'a déjà pris, donc je vais prendre la mezzanine. Ouais, non, OK, ouais. Mais bon, c'est correct. Puis, dans le fond... c'est plus des let's play là, de la part, tu sais, le bazar du grenier, là, c'est plus son temps de rejouer des jeux. Des let's play, puis il y a aussi du Donjons et Dragons live. Ah, cool! C'est pas live, c'est du Donjons et Dragons, mais avec un programme sur Internet qui fait que tu peux, en tout cas... À l'écouter! Ouais, c'est intéressant, c'est spécial, mais peut-être pas aussi prenant que ses vidéos habituelles. Non, c'est clair. Mais bon, on va vous laisser juger par vous-même. On y reviendra peut-être éventuellement. Exactement. Merci beaucoup, William. Dis-nous, avant de partir... Non, ne me quitte pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Réalité Augmentée, où est-ce que je fais des chroniques sur... On le sait, t'es là. Ah, Inception. Oh. Non, sinon, moi, j'ai mon podcast principal qui s'appelle « Les geeks sont parmi nous ». Où on parle de l'actualité geek et tout ce qui entoure la pop culture, si ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse pas, ben vous pouvez nous écouter aussi, là. Ça me dérange pas plus qu'il faut, là. Bon. Et j'ai d'autres projets qui s'en viennent aussi, mais j'ose pas en parler tant que c'est pas encore sorti, parce que je serais du genre à en parler puis que ça sorte juste plusieurs mois après. Fais pas ça. D'ailleurs, au moment d'enregistrer, on est à quelques heures de réenregistrer ensemble pour un épisode de Hors-jeu, un autre show que moi je fais. Fait que à tantôt. Ben, à tantôt. Allez nous écouter. On va être une grosse gang, on va parler du Canadien. Faites ça genre là. Là. Merci, William. Ben, merci à toi. À la prochaine, bye. À la prochaine, bye. Voilà qui fait le tour pour la chronique web télé de William. On le salue, on le remercie encore de sa visite dans la réalité augmentée. Et c'est aussi ce qui fait le tour du show au grand complet. Je veux savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver, les gars. Luc? Ben, sur Twitter, @Ascalazormo. Vous pouvez aussi m'écouter sur un podcast qui s'appelle Le Podcast Auto. J'ai aussi Histoire de Gamer qui revient, ma foi. ceux qui attendaient peut-être ou qui attendaient plus une nouvelle émission. J'en enregistre une justement cette semaine avec Alexandre Lequin Doré. Donc vous allez pouvoir écouter ça bientôt. J'enregistre et le lendemain je mets ça en ligne. Et puis sinon vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji. J'écris sur les voitures frkijijiblog.com .ca/véhicule. Donc c'est ça. Cool. Daniel, de ton bord. Oh, yes. Twitter, @DracoADG. Sinon, il y a différentes publications web sur lesquelles vous pouvez me lire. Il y a le affairedegas.com où, d'ailleurs, il va y avoir la critique de Splatoon très, très prochainement. Critique qui sera aussi diffusée sur les écrans du métro de Montréal dans la semaine du... Je me rappelle plus, 8 juin, je pense. tout de suite après ma fête. Il plug subtilement sa fête. Bon. Ben, c'est pas comme si j'étais heureux de vieillir, là, mais en tout cas. Ça va faire du bien. Ouais, tu vois, la sénilité commence à prendre de plus en plus de place. Oh, oui. Donc, je connais ça. Ah oui, c'est ça, mes critiques de jeux notamment se retrouvent sur les écrans du métro de Montréal les jeudis et samedis. Sinon, d'autres publications où je suis, épéelegendaire.com avec la belle gang de Anthony et Max et le m2gaming.ca où il y aura aussi la critique de Splatoon, un petit peu plus, un petit peu différente, là, mais quand même. C'est pas mal là. Vous pouvez me retrouver. Un jour, je vais retourner sur Twitch. Remarquez le silence volontaire ici. T'as dit un jour, t'as pas dit lequel. Non, c'est ça. C'est ça. Le jour de demain, là, pour faire un lien avec... C'est ça. Un jour. Fait que voilà. Et toi, JB? Ben moi, écoute, il y a hors-jeu, mais là, la saison se termine. On va faire un show pour le repêchage, donc d'ici la fin juin. Sinon, ça devrait être pas mal tranquille avant la saison prochaine de hockey. Hors-jeu podcast sur Twitter, @hors-jeu podcast, et sur Facebook, cherchez hors-jeu. C'est tout dans un mot. Sinon, je m'occupe des comptes officiels pour la réalité augmentée, @realitéhog, sur Twitter, facebook.com/realitéhog. Et on a une adresse courriel. Luc, est-ce qu'on dit la nouvelle? Ouais, vous pouvez nous envoyer cela. On a une nouvelle adresse courriel qui est podcast@realitéhog.com. Ah, merveilleux. Ça devrait se rendre. Vous pouvez aussi utiliser l'ancienne, là, mais envoyez-la sur la nouvelle. Si vous voyez que ça ne répond pas, mais réessayez-nous sur l'ancienne. Écoute, on est tellement dans le jus pour répondre aux courriels. Je pense pas que ça prenne bien du temps. Ça finit plus. Écoute, on se peut plus. Là, j'ai mal aux doigts. Arrêtez. C'est ça. Sinon, on a un site web, realityhog@.com, tout simplement. C'est un dépôt où est-ce qu'on met l'émission. Sinon, on salue la gang de la zone technoculturelle.ca qui publie notre émission à chaque semaine et aussi Radio H2O, où on essaye d'être disponible. C'est compliqué, mais on va voir avec le monde compétent, voir pour améliorer ça et faire qu'on puisse être écouté là-bas. Hey, je peux-tu dire de quoi? Parce qu'on a oublié, moi pis Dan, quand on était voir Age of Ultron, Avengers, c'était avec Subway, pis on n'a jamais parlé. Fait que juste merci Subway nous avoir payé le cinéma. Puis je m'en rappelle parce que je m'en vais voir Inside Out avec le Subway aussi le 13 juin. Fait qu'on va pouvoir vous parler de ça. Inside Out qui est sans dessus-dessous, c'est ça? Ouais, ça s'appelle? Qui est nouveau film de Pixar. Là. Avec les sentiments, là, puis le kit. Là, on va pouvoir le rip-off du sketch de François Pérusse, là. Oui, mais je doute fortement que Pixar s'en soit inspiré. Là, ceci étant dit, oui, merci Luc. Comme ça, on va remercier tout de suite Subway de nous inviter à Inside Out. Comme ça, si on oublie après, ça sera fait. On va essayer de ne pas oublier. Le problème, c'est parce que quand on a fait le spécial du premier, c'était quoi, le Gardien de la Galaxie, on avait fait juste ça. Fait que c'était facile de s'en rappeler. Ouais. Mais là, tu sais, on a fait de la critique d'Avengers, mais on a fait, par exemple, d'autres choses pendant l'émission aussi. Fait que ça a comme pas été... Je pense qu'on avait juste comme... Juste fait ça, on a juste été fainéants. Okay. On était on était énervés. Ouais, c'est ça, on avait trop d'affaires à dire. Excitation. Ça, on avait des émotions. C'est rare, on n'est pas habitué. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Merci d'avoir été du rendez-vous et on se dit à la prochaine fois dans un autre élément. Bye bye. Bye. Ciao.